Arloc. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors comment ça va? Ça va, ça va. Ah ouais, t'as l'air tout pimpant. Ouais, ça va. Bon, froidement, mais j'ai fait me casser la gueule en arrivant, mais ouais. Sinon ça va. C'est ça le petit coup que t'as sur le nez? Ouais, c'est ça. Alors, Sherlock, évidemment, ce soir, tes superbes chroniques rétro-ciné 80. Oui, à 21h. Et alors, par contre, là c'était un truc bizarre, parce que vous vous rappelez, la semaine dernière, on s'était fait un petit challenge. Les sorties Cinoche, ce sera pas toi, ce sera un intérimaire qui va le faire ce soir. Et oui, c'est ça, ouais. Alors là, il va falloir que tu nous expliques, rappelle-nous un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, en gros, la semaine dernière, j'étais en train de faire ma chronique sortie ciné quand quelqu'un dans le studio que je ne nommerai pas et qui est ici présent, Arnaud, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Bon, on va limiter. Ouais, bon. Après, on voyait qui tu voulais éviter, ouais, voilà. Mais c'est un peu raté. Là. C'est quand même pas parce que j'ai partiré mon œil. Ouais. Oui, il a dit ouais, on se fait chier avec ta chronique. Je suis sûr, je ferai mieux. J'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. En substance, on va dire. Je t'ai entendu. T'as dit c'est à chier. Que personne n'écoute. Moi, je peux te la faire ta chronique. Non, vous êtes un petit peu battu. Et à un moment, t'as dit ouais, bah t'as qu'à la faire. Bon, si tu veux, je la fais. Et ben, on l'a pris au mot et il va la faire ce soir. C'est ça. Voilà. Et du coup, on va le saluer aussi. Arnaud est avec nous. Comment ça va? Ça va. Alors, à que coucou, évidemment, on pense évidemment à Johnny. Ah oui, forcément. Coup, on pense à lui. Là, on le salue. Et oui, parce que mardi dernier, on en avait parlé. Et semblant de rien, je me suis senti mal. Oui, mais moi aussi. Tu sais que j'ai pensé, justement, je m'imagine un petit peu la tête que t'as fait en apprenant le moment de mort. J'ai rigolé en demi-teinte, on va dire. Mm-hmm. Tu connais mon humour habituellement, mais de toute façon, je te jure que j'ai eu un petit pincement au cœur en me disant merde, ce que j'ai dit hier soir, mardi dernier, j'aurais peut-être pas dû le dire. Mais j'étais dans le même cas, exactement. On s'était délire et tout, et effectivement, et moi je l'ai su à 5h du matin. C'est ça. Une notification comme quoi Johnny Hallyday était décédé, et donc. Moi ça m'a fait aussi. J'ai dit merde, on en a parlé, on a plaisanté. C'est vrai que c'était depuis quelque temps, on avait un humour un petit peu. Non, mais bon, après c'est pas méchant. De toute façon, qui aime bien châtie bien. Voilà. Donc c'est pas pour autant qu'on ne reconnaît pas son talent. Son talent, oui. Voilà, absolument. Et justement, ça tombe bien, Flipcap. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Tu vas justement nous parler du talent de notre ami Jean-Philippe Smet. Bah oui, je vais lui rendre un petit hommage puisque bon, j'étais sollicité par. C'est Sherlock qui m'a soumis l'idée. Hein, c'est ce week-end. Ouais. Et j'avoue que je m'étais dit, je suis pas fan du tout, hein, comme vous le savez. Hein, cela dit, je n'enlève rien à son talent. Surtout à l'âge qui même à 70 balais, j'ai vu un de ses concerts, franchement. Il y a assuré. Hein. Alors, même si je ne suis pas fan, déjà parce que j'aime pas la chanson française, non, ça m'intéresse pas, tout simplement. Je me dois de lui rendre un hommage, quoi, voilà. Écoute, c'est avec plaisir. Alors, entre autres, et puis j'ai d'autres amis ce soir qui seront à l'écoute, qui étaient de gros fans de Johnny, qui ont été très mal le lendemain, en apprenant son décès. Donc. C'est un hommage à ma façon, je le dis. Ouais. Je demanderai aux méga fans d'être indulgents parce que je me suis lancé dans un gros truc, c'est que je me suis rendu compte comment retracer la carrière d'un monsieur avec qui a 47 ans. Ouais, 47 ans de plus que carrière. Ça, hein. Plus que ça, hein. Plus que 47 ans. Hein. 60. Oui. Mmh. Oui, plus de. Oui, c'est ça, exact. Il a 60 ans de carrière, je crois. Puisqu'elle a commencé en 60 sur premier titre. T'as bien. Et donc c'est vrai. Mais je veux dire, est-ce que je me suis embarqué dans un truc. Donc je vais me limiter. Alors j'ai eu également, je remercie au passage un petit coup de main de mon ami Jean Flinois qui est un gros fan de Johnny, parce que ne serait-ce que pour le choix des morceaux, c'est pas évident quoi. Non. Alors je vais essayer de retracer un petit peu le début de sa carrière et puis m'étaler un peu plus sur les années 80, ce qu'il a fait aussi également. C'est sûr qu'il y a plein de titres. Alors, je sais que je vais avoir également sur Facebook des gens qui vont me dire « Dommage que tu n'as pas passé celui-là, le choix était difficile, j'en suis quand même à 12 titres sélectionnés. Ouais. » Enfin, 10 titres exactement. Ah, c'est vrai qu'il en a fait tellement. Après, si on doit passer tous les titres qui ont fonctionné de Johnny, on fait une soirée complète. Voilà. C'est pas le but, parce que je pense que l'hommage a déjà été bien rendu. Au travers de la télé. Alors, il y a certains que je ne vais pas m'étaler en dehors de sa carrière de chanteur, de ce qu'il a pu faire à côté. Hein, il a une vie bien remplie, je pense. On va essayer d'aller à l'essentiel. Donc, je lui rends un hommage un peu à ma façon. J'espère que qu'à l'issue, tout le monde sera satisfait. Bien sûr, mais je ne prétends pas être un expert. Donc, Après, effectivement, je crois que l'hommage a été bien rendu par parmi tous les médias français et belges. Je pense même que ça a été un peu beaucoup, quand même. Oui, mais voilà. même au Canada. Alors, ce qui est étrange, parce que j'ai un ami qui vient de repartir à Québec. Il a montré, il a mis des photos des journaux au Canada où on en parle énormément. En fait, pour eux, ils le considèrent, et je pense à juste titre, même comme chez nous en France, comme le King français, le Elvis Presley français. Ouais. Oui, et là-bas au Canada, ça fait quelques jours qu'il y a des journaux qui publient des photos et toute une quantité d'articles depuis sa mort, quoi. Qui vont être, à mon avis, collecteurs. Mais ça, c'est étonnant au Canada. C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, on a une importante communauté française aussi au Canada. Bien sûr, ah bah oui, le Québec, carrément. Ouais, bien sûr. Voilà. Moi, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on pourrait faire ça à 20h30 comme ça si, ou alors, tu avais prévu 21h, toi. Ouais, dans ton programme. Regarde sur ton agenda. T'as prévu quelle heure? 21h30. Ouais, non, pour moi, c'était 21h30. 21h30, moi, je me suis dit peut-être que tu pourrais le faire à 20h30, non? Bon, écoute. Non, c'est une question que je te pose. Hein, c'est, oui, moi, ça me dérange pas. Après tout, écoute, pourquoi pas il faut quelqu'un pour trancher ou... Il faut quelqu'un pour trancher ou quoi? Non, on peut laisser à 21h30. Après, c'est le rendez-vous de Flipkat. Tout le monde connaît cette horaire-là aussi. C'est pour ça que je posais la question. Parce que je sais que là, j'ai aussi des amis qui vont écouter ce soir et qui terminent tard le boulot. Donc, on va le faire à 21h30. Si c'était prévu à 21h30. Ça m'embête pas. Non, on le fait à 21h30. Il n'y a pas de souci. Non. OK, on fait comme ça. OK, bien. Donc voilà, il y aura plein de petites informations, évidemment, qui vont s'intercaler tout au long de notre émission. On va apprendre un petit peu à mieux connaître Arnaud, parce qu'il va nous parler de sa vie, de ses penchants, de ses passions, de ses déviances, les démons. Il vient nous rejoindre exceptionnellement ce soir, donc vous allez entendre une voix nouvelle, quoique, de temps en temps, on l'entendait quand même, mais vous allez entendre une voix nouvelle, avec un petit accent breton. Il a disparu. Qui a disparu parce qu'il nous vient de Bretagne quand même. Hein, y a-t-il un accent chez les Bretons? Je ne pense pas. Ah bah si. Hein. Ah, il y a un accent quand même? Bah, tu pourrais nous le faire, l'accent breton? Ouf, Gast. C'est pas possible, ça, si? Je sais pas. Ah, c'est l'accent breton. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent autour du monde, là. Ah, ouais. J'ai des amis bretons aussi. Ouais. Je sais qu'ils... Non, des dios, tripodi. Et ça, c'est breton? Oui. Ah ouais, d'accord. Okay. N'est que moi, Pekentoul aussi. Ça veut dire, est-ce qu'il y a moyen de tirer un coup? Ah d'accord. Alors, ça, c'est fait. Voilà. On a une règle quand même, c'est qu'on devient salace à partir de 22h. Prends des notes, Harry. J'ai l'horaire belge, moi, c'est vrai, 22h. Ah ouais, non, c'est 22h. Hein. Ouais, 22h. Eh ben, on va se faire une petite coupure musicale, on va se retrouver juste après ça. Charles, qu'est-ce que tu nous as préparé alors ce soir? Eh ben, pour commencer, Johnny Hallyday et Carmel, avec J'oublierai ton nom. Bah oui. Parce que je sais que c'est pas dans la chronique de Flipkat, donc là j'en profite, j'en mets un. Après, je laisserai l'exclusivité à Flipkat. Donc profitez bien de ce titre-là. C'est le seul qu'il y aura de Johnny dans l'émission, à part dans la chronique de Flipkat. Mm-hmm. Et ensuite, on viendra avec Simple. On le salue d'ailleurs au passage. On salue Charles au passage. Ouais, mais je pense qu'il y a moyen de faire une bonne compile d'ici à fin d'année. Et donc on reviendra avec Simple Minds et Alive and Kicking. Ok, et eh ben c'est bon. Allez, c'est parti. Semaine inutile, en fut-il dimanche, le second immobile aux aiguilles qui penchent, j'oublierai ton nom. De quatre nouveaux murs dans un autre quartier, de pinceaux de peinture en meubles à installer, j'oublierai ton nom. De la piste suante à la dernière danse, de quelques nuits de feu. Matinée de cendre, de cette agitation dénuée de tout sens, du fond de ma raison jusqu'à mon inconscience. De la main d'un ami, au baiser d'une bouche, tous ceux qui sauront lire que le mal a fait mouche, j'oublierai ton nom. Plus mal encore, et mais cette blessure, c'était toi encore. What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tide? Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Et ouais, top 50, émission référence des années 80. Évidemment, on est un peu dans la lignée, hein, puisque ouais. On passe que des musiques des années 80. C'est le principe de l'émission, 80 heures. Et du coup, on parlait hors antenne de la diffusion du film Star 80. Vous pouvez le voir sur les chaînes françaises, donc dimanche soir. Et là, Arnaud. Jean-Luc. Ah ouais, Jean-Luc est trop fort. Ah ouais, non, vous avez apprécié, vraiment ? Oui. Dans l'ensemble, ouais, quand même. Ouais. C'est ce qu'on disait. Ouais. Mais moi, c'est parce qu'on n'a pas eu trop le choix pour, comme j'expliquais, hein. Pour le choix des chaînes. Ouais, t'as envie de le voir. Mais... Non, tu peux le dire. Non, justement. Et en fin de compte, j'ai apprécié. Et ce qui m'a étonné, je te le disais, Arnaud, c'est le personnage qui s'est donné. De Jean-Luc Léé, ouais, parce qu'il se prend pas au sérieux. Quand ce vautre avec Sarlet est arrivé sur la plage, j'ai trouvé ça géant. Ah ouais ? Ouais. Entre autres. Ils se ridiculisent à fond et. Ouais. Oui, mais après, ils ont pu. Enfin, je veux dire, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre ? Ouais, c'est peut-être pas un bon acteur, hein. De toute façon, c'est pas des bons acteurs non plus, enfin, faut être honnête. Moi je me rappelle qu'on en avait discuté justement avec Sloane, cette fameuse scène avec Jean-Pierre Savelli où il se donne une claque. La scène était reprise, a été refaite plusieurs fois. Ouais, oui, c'est cette fois qu'elle a dû refaire. Il en a pris plein la gueule, le malheureux, mais. Ouais, parce que il faut quand même savoir que dans la vie, il s'apprécie pas du tout, quoi. Donc, il se posait la question de savoir si elle lui donnait pas vraiment une vraie claque. Il y a pas que lui, c'est pas une ternouf. Y a qui ? C'est Sabrina, quand il met la main en fesse. J'ai dû m'endormir à ce moment-là. Ouais. Alors moi, ce que je trouve dommage quelque part, alors évidemment c'est une comédie, mais en connaissant l'un des acteurs principaux, même enfin les deux même d'ailleurs, hein, puisque c'est faut savoir à l'origine c'est Olivier Kiefer et Hugues Gentlet qui sont les deux créateurs du concept Star 80 qui s'appelait à l'origine RFM Party 80. Oui. Et qu'ils ont un peu, ils ont un peu galéré, que ça a été à la croix la bannière comme pour mettre en place tout ça, que c'était pas forcément évident. Et quand j'avais été le voir Star 80, en fait, je m'attendais à une biographie, limite à un biopic, quoi, mais pas une bouffonnade, quoi, parce que c'est plutôt ça, c'est tourné à la dérision, c'est pas du tout ça l'histoire, ça n'a rien à voir du tout. S'il l'avait fait façon biopic, est-ce que ça aurait fonctionné ? Ah, j'ai pas le contraire, c'est ça, ouais, le truc. Certainement. Mais peut-être qu'ils auraient... c'est pour ça qu'ils l'ont romancé, ouais. pour dire que ça passe beaucoup mieux auprès du public. Mais ce qui aurait été sympa, c'est que le fond soit historique. On garde vraiment le fond, et puis bon, on y rajoute de l'humour. Après, moi, ce qui m'a gêné, mais c'est peut-être parce que je m'attendais pas du tout à ça, c'est qu'effectivement, l'ensemble des chanteurs, on les retrouve dans des situations qui sont complètement improbables. Qui sont serveurs dans un kebab. Alors que parfois c'est super intéressant de savoir ce qu'ils font. Partenaire particulier, aujourd'hui, il y en a un qui est architecte, je crois, de mémoire, et l'autre qui fait de la conception web. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins sympa, moins marrant s'ils avaient fait ça, mais moi j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais peut-être à autre chose. Voilà. Il est annoncé comment en fait ce film ? Justement, pas comme une bio. Non, du tout, je suis d'accord. Je pense que justement c'est ce qui fait que ça passe. Mmh. Et encore en plus, on en revient encore à Jean-Luc Lahaye. Il m'a marqué, parce que. Pardon ? Il vous a marqué. Parce que je le voyais pas jouer un rôle et se tourner en dérision complète. Ouais, hein, tout au long du film d'ailleurs. Surtout connaissant son actualité, quoi, je veux dire. Donc vous iriez voir le numéro 2 alors ? Le voir au cinéma, je sais pas. Non, que de là aller voir au cinéma, non. Parce que bon, là ça passe à la télé, c'est tout. Mmh. Je te laissais regarder. Donc, s'il passe à la télé, tu le regarderais alors le 2. J'ai rien de mieux à regarder, oui. Moi, je pense, oui. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de quoi se déboîter la mâchoire, mais. C'est sûr. Les expressions ici, les vieilles expressions. Dépoussiérer notre ami Fulcat. Il n'y a pas de quoi se déboîter la mâchoire. tu dirais quoi, toi ? Hein ? Tu dirais quoi ? Casser les vocales. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ouais, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Je connais des expressions comme ça, non, j'utilise pas non plus. Non. Il n'y a pas de quoi se fendre la gueule, je sais pas. Ouais, c'est pas tout nouveau non plus. Non, c'est sûr. C'est pas kiffant. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'Olivier Kiefer, il est en procès justement avec Thomas Langman. Parce que il s'est fait piquer le concept, ni plus ni moins. Et donc c'est ça qui est un peu troublant dans tout ça, c'est que quand même le rôle de Tim Seed, c'est le rôle d'Olivier Kiefer. Et puis ils sont en procès avec Olivier Kiefer, quoi, le producteur étant réalisateur est en procès. Bah, il a repris le concept et visiblement ne paierait pas les droits ou ce genre de choses. Enfin, j'ai pu comprendre, mais donc voilà, donc il y a vraiment Bisbee. Il y a Bisbee entre et Bisbee, ouais. entre les créateurs d'origine. Il y a du rififi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est dans les vieilles expressions. Bon, j'aime bien l'argot. Hein, en parlant de petit fifi, Sherlock. Oui. Qui est pas ça. Volkswagen. Bon, on va faire une. Oh là là. Oh. Passat. Ouais. Bon, non, mais j'avais compris. Hein. Merci. Bah, on va se faire une petite coupure musicale. On va demander tiens, à Arnaud de faire une roulette song. Ah oui. Allez, Arnaud. A B C D E F G H I J K. Non. Tu dois dire stop. Rappelle-nous le principe, Sherlock. Top. Ah bah. Ouais. Alors, donc le principe, c'est j'ai toute une liste. Bah attends, je vais le refaire. Hein. Oh non. Bah, tu t'en fous, t'as pas encore eu de résultat. Ah ouais. C'est vrai. Donc j'ai toute la liste des titres qui va défiler devant mes yeux. Je vais les faire défiler devant moi. Et donc Arnaud va me dire stop dès qu'il en a envie. Mais alors dès qu'il en a envie, hein. Stop. Non. Vas-y, je crains le pire. David et Jonathan. Non. Gina. Ah ouais, donc il faut que tu nous chantonnes, hein. Ça c'est aussi la règle. Arnaud. Gina. Il doit avoir de ça, je crois. C'est vrai, je pense. Alors ça, c'est la version a cappella. Gigi l'amoroso. Mais David et Jonathan, ils en parlent également dans Star 80. Ah ouais. Parce que quand William et Sacha partent du kebab, le patron du kebab dit ouais, appelle-moi David et Jonathan, je crois qu'ils cherchent un job. Ouais, c'est vrai. Et qu'ils sortent des cuisines. Et c'est Caroline Loeb qui joue le rôle de la femme du patron, qui fait ouais, pourquoi pas Sony et Cher ou. Et dit ouais, bah tiens, pourquoi pas aussi. D'accord, enfin bon, Sony un peu mort. Hein. Bah ouais, c'est ça. Légèrement, ouais. Enfin, dernière nouvelle, hein, il serait décédé, quoi. D'ailleurs, on salue Charles au passage. C'est parti. Et donc, deuxième. Et oui, bah on va demander à Flipkat pour le deuxième, allez. Allez. Youpi. Top. George Michael avec Faith. Bon. Ah bah là, tu peux le chanter, ça. Bah, ça. Non, pas spécialement. C'est pas parce que c'est anglais. Facile, il était homo, lui, non? Ouais. Ah ouais, carrément, ça s'en est pas caché. Donc tu pourrais le chanter. Je comprends pas. Non, il y a rien à comprendre. Il y a rien à comprendre. Il aimait bien le cuir. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il aimait bien les bikers aussi. Et les toilettes. Ce qui ressemble à des bikers, mais c'est pas forcément des bikers. Donc tu peux nous chantonner quand même, Faith. Non. C'est anglophone. C'est ce que je dis, c'est pas parce que c'est anglophone que c'est forcément dans ce que j'écoute. Non. Sherlock. Cause I gotta have faith. I gotta have faith, baby. Non, et après je sais plus. Canon, s'il était là, Canon. Ah ouais. Face. Alors là, il s'éclaterait. You raise me up. D'ailleurs, on le salue aussi au passage. Oui, c'est vrai que. On salue Canon au passage. J'ai pensé à lui parce que j'ai entendu justement, je sais plus, à la télé. T'as pensé à lui? Bah, j'ai pensé subitement à lui quand j'ai entendu You Raise Me Up. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, c'est vrai que. Il est au soleil actuellement, donc ouais. Voilà, il en profite, il a tout à fait raison. Et puis, il est rentré. Il est rentré là, déjà? Il est rentré quand? Aujourd'hui. Ah d'accord. Bon, bah peut-être qu'il va nous faire un petit coucou. Ou hier, je sais plus, j'ai une barre courte. Tu sais plus? Il est rentré à quelle heure chez toi? Cela ne vous regarde pas. Bon, allez, on se fait donc David et Jonathan avec Gina. Tu peux le faire toi-même. Et George Michael avec Faith, ça ce sera pour Flip 4. Allez. Ah ben, merci. Gina. Elle, quand elle m'a regardé, j'ai su ce qu'elle voulait de cet amour, amitié. J'ai su qui elle voulait aimer. Gina. Gina, tu as nos deux corps, tu as gagné. Gina, Gina, Gina, Gina. Les jeux de reste. C'est Claude Barzotti et vous êtes sur la radio 80 à l'heure sur RQC. Je vous aime. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. Eh oui, Claude Barzotti. Tiens, Claude Barzotti d'ailleurs qui fait une tournée maintenant avec deux autres chanteurs francophones ouais, que vous connaissez très certainement. Ah bah tiens, je vous lance le défi. Et ça s'appelle les Latin Lovers. Adamo. Non, Latin Lovers, Adamo. Bah Adamo. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est d'origine italienne aussi. Frédéric François. Non. Johnny Hallyday. Mais non. Alors je vous le dis tout de suite, les deux autres sont pas du tout latins. Ah ouais d'accord. Pas du tout latins. Ça s'appelle les Latin Lovers et là c'est une tournée qui commence à se lancer. C'est deux chanteurs. Il y en a un qui était un peu mal en point il y a quelques temps et qui nous est revenu. Herbert Léonard. Ouais, absolument. Ouais. Ouais. Et puis alors le troisième. Renaud. Non. Il était mal en point aussi. Non. Mais non mais c'est pas forcément que des chanteurs qui étaient mal en point. Ah, d'accord. Eh bien c'est Jean-Jacques Lafont. Ah ouais. Ouais. Ils font le genre une papier. Tournée à trois qui s'appelait Latin Lover. Alors j'ai pas trop compris pourquoi les Latin Lovers. Enfin, Lover, je peux comprendre, mais latine. Oui. Allez, on va partir que, du principe que Barzotti est plutôt latin, ouais, quand même, l'Italie. Herbert Léonard, de mémoire, je suis pas sûr qu'il soit du sud. Je crois qu'il est plutôt parisien, franco-français, ouais. Très certainement. Quoi que c'est latin aussi. On s'attache, Jean-Jacques Lafont. Alors, si on va chercher vraiment le terme de latin, Latin Lover, oui. Mais c'est quoi la tournée? Eh ben en fait, ils reprennent leur plus gros succès romantique, j'imagine. C'est intéressant, non? Non, du tout. Jean-Jacques Lafont, il a Le Géant de Papier. Ouais. Et Viens boire un petit coup à la maison. Ouais, non, mais il le chante pas, ça. C'est pas bien dommage. Jean-Jacques Lafont, il a aussi son public. Il a aussi d'autres chansons qui sont peut-être moins connues. Ouais. Et il a certainement aussi écrit beaucoup de chansons pour d'autres chanteurs et il les reprend. Il faudrait regarder, hein, mais je suis sûr qu'il. Certainement pas Viens boire un petit coup à la maison, ça m'étonnerait. Bah, c'était pas sous son nom, hein. C'était Gigi Fallon. Ouais, bien sûr. Mais donc voilà, non, sérieux. Donc Barzotti, Lafont et Léonard, donc tous les trois sortent donc ils font une tournée qui s'appelle Latin Lover. Voilà. Donc, je suis content pour Herbert Léonard parce que c'est vrai qu'il allait vraiment pas bien il y a quelques temps et là de savoir qu'il est retourné sur scène là, c'est vraiment que ça va mieux quoi. Bah carrément. Parce que c'était vraiment. Un peu critique. C'était quand même assez critique. Quoi. Il était quand même dans le coma. Donc, savoir que là, il est quand même revenu sur scène, c'est vraiment un très bon. Très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle en sachant qu'il n'est plus tout jeune non plus. Hein. Je crois qu'il frôle les 70 ans largement. Donc voilà, tout comme Claude Barzotti aussi, hein, 67, il n'est pas tout jeune non plus. Et Jean-Jacques Lafont, j'imagine que ça doit être aussi dans le même acabit. Hein. Je pense. Ouais, il y a des chances. Donc voilà, donc c'est les Latin Lovers. Tiens, en parlant de Latin Lovers, je suis à côté d'Arnaud. Ouais. Non, lui, c'est plutôt un Brace Lover. Un Brace Lover. Ouais, un Brace Lover. Le Brace, et on va l'appeler le Brace Lover, tiens. Ouais. Le Brace Lover. Oui, parce que ce week-end, en fait, alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la mode des marchés de Noël. Il est chaud comme la braise. Oui, qu'est-ce qu'il braise? Il braise tout ce qui bouge. Il est chaud comme la braise. Il vient de la faire, juste à l'instant. Ouais, pardon. Flip 4, ouais. Branche ton son d'automne. Jean-Michel à côté. Non, mais vous avez vu quand même que c'est quand même la période des marchés de Noël. Donc il y a celui de Lucron qui est ouvert là récemment, jeudi dernier. Il y a aussi celui de Waterloo. Enfin, il y en a partout, ça fleurit partout, les marchés de Noël. Ouais. Il y en a des plus ou moins beaux. Alors celui de Waterloo, il est en intérieur. Couvert. Oui, c'est la Salengro, c'est ça. Ouais, Salengro. Alors on n'aime pas, il y en a beaucoup. Vu le temps là. Ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup de détracteurs qui disent l'esprit de Noël, c'est pas tout à fait respecté parce que ça se fait en extérieur avec le vin chaud, avec pas mal de choses. Ah, c'est du vin chaud, Julien. Ah ouais, mais il y en a, aussi. À tous les marchés de Noël, t'en trouves. Oui, tous les marchés de Noël, t'as du vin chaud, t'inquiète. Ouais. Mais ceci dit, il y en a plein. Et je sais qu'un Arnaud t'en a fait un. Ouais. Celui de Bruxelles. Bruxelles. Ah ouais, alors ça donne quoi? Bah, bien, c'est sympa. Ça se passe pas sur la Grand Place. Il y a quelques années, j'étais allé. Et c'était sur la Grand Place. Bien droit, bien organisé, etc. Et là, la Grand Place, elle est vide. Et ça fait bizarre. Et elle est même très sombre. Donc, quand on y arrive, on se demande ce qui se passe. Ouais. Mais il y avait peut-être un mort à l'époque. Johnny, ouais. Je me suis dit, c'est pas le bon jour pour y aller. Mais en fait, non, ils font plein de jeux de lumière et de la sono sur la Grand Place. Et c'est assez sympatoche. Voilà. Pour une petite sortie en amoureux, c'est très romantique. Ah, parce que t'as été en amoureux. Et voilà. Et donc après, une petite frite. T'as été en amoureux. T'as été en amoureux. Tu ne sauras pas. Et comment il s'appelle? Mac and Peace. Mac and Peace. Ah, et il y a la Jeanne and Peace. Hein, comment tu dis? La Jeanne and Peace. C'est Jeanne and? Ouais. Ah ouais, Jeanne and Peace. J'ai jamais vu par contre. Oui, t'es dans une petite rue paumée. Le Mac and Peace aussi. Ah bah, Mac and Peace aussi. Hein, pour trouver, vous avez de bonheur aussi. Ouais. Parce que moi je m'attendais quand même super statue, ridicule quoi. Il n'est pas déguisé cette année. Il est tout nu. Ouais. Il est tout nu, malgré le froid. C'est pour ça qu'il y a une petite zigounette en fait, avec le froid, on espère voir dans la coquille. Ouais, mais si tu l'as vu pisser, il en voit quand même. Ah, ouais. Ah ça, je veux dire qu'il est là-dessus mes pattes. Hein. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de problème de. Pardon. Il pisse pas constamment. Non. Bah, voilà mieux, seulement quand il a dit qu'elle fuit. Non, mais je sais pas parce que moi je me rappelle, je l'ai pas vu pisser moi, sérieusement. Mais là ça gelait. Ouais. Il y a un stalactite. Il boit de l'antigel en fait. Hein, donc, Je sais pas, mais moi j'étais un peu déçu. Parce que voilà. Pensais qu'il y avait une plus grosse zigounette que ça en fait. Non, mais non. Je m'attendais à avoir un bonhomme plus grand. Et finalement, c'est quoi, 30 cm d'eau au grand maximum. C'est dans un coin de rue, je me rappelle. Un coin de ruelle. Exactement, oui. Et ça ressemble à rien ce truc. Non, finalement. Mmh. Ouais, il fait quoi, 50 cm On parle de quoi? Parce qu'on n'a pas été voir le même. Parce que... ok, bah, Sherlock, toi, tu en as fait un des marchés de Noël, non? Non, alors, on n'a pas fait. Parce donc, que l'année dernière, en période, peut-être. Ah oui, l'année dernière, peut-être. Ouais, j'étais allé à Colmar. Mmh. Le marché de Noël, il est magnifique. Ouais, ils sont forts pour ça. Ouais, pour ça, les Alsaciens, ouais, ils sont très très forts. C'est complètement dans la ville. Enfin, t'as la ville côté piéton en fait, et tout le côté piéton est investi par les baraques de Noël et tout. C'est génial, quoi. Franchement, après j'ai fait le marché de Noël d'Arras, qui est vraiment sympa aussi. Ouais, j'ai déjà fait aussi. Il est vraiment sympa. Il est très grand. Je crois que c'est l'un des plus grands au nord de Paris quand même, donc avec celui d'Amiens, je crois que c'est l'un des deux plus grands au nord de Paris, donc c'est quand même assez sympa. Et puis là j'ai fait celui de Wiem il y a quelques jours, c'est aussi dans une salle et voilà quoi. Ouais, il y a quatre allées, bon il y a pas de chalet, mais voilà, ouais je vois quoi, c'est un marché, point, c'est ça. Bon, quatre temps. Des souvenirs de marché de Noël, toi ? Ouais, l'année dernière, effectivement, celui d'Arras, Lille. Ouais. Oui. Mais je le trouve petit, moi, celui de Lille. Ouais, en fin de compte. Il est sur la place Riour. Ah, place de la République. Ouais. Ah, place Riour, hein. Qui était sur la place de la République, quoi. Non, ouais, non, il est place Riour, il est tout petit. Et moi, j'y suis allé l'année dernière, et je ne sais plus à quelle heure j'étais arrivé. Il est déjà fermé. Mais après, pour des raisons d'intérêt, il ferme tôt aussi. C'est un peu dommage, quoi. Ouais, je sais bien. Mais c'est vrai que moi, la première fois, je m'attendais à voir tout concentré là où il y a sur la place. La grande place, ouais, la grande place où il y avait la roue, mais non, en fait, compte. La roue, elle prend toute la place. Ouais. Ouais, c'est vrai que la roue prend une bonne partie de la place, mais je m'étais dit aussi, ce sera autour de la grande roue, ça fait l'attraction aussi, quoi. Et là, non, c'est sur la place Riour, c'est tout petit. T'as, peut-être 120 exposants, mais. Tout est concentré en fait sur un tout petit espace. Tant que ça, tu penses ? Ouais, si, je pense. Ça donne vraiment pas l'impression. Il y aurait 120 exposants sur la place Riour. Ouais, parce qu'honnêtement, mais moi, c'est pas l'impression que ça me donnait, c'est en fait, de mémoire. Non, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça, ils partagent la chalette. Au salon de Watteau, ils sont quand même 80. Ah ouais ? Ouais, il y a 80 exposants. Donc, je dis qu'il y en avait 120 sur la place Riour. Peut-être un zéro alors. C'était peut-être 12. Ou alors, comme Arnaud le disait, il partage un chalet à deux. Peut-être, ouais. Non, mais c'est 120 selon la préfecture et 12. Ah, c'est ça. Selon les services de police. Voilà, ok. Ouais. Non, mais bon, c'est la période. Moi, t'as pas compté les kebabs avec, non, des fois Non, je crois pas, non. Il y en aurait pas 12, il y en aurait 50. Comme un bois trop l'eau. Mais ceci dit, à Bruxelles, si on veut vraiment voir le marché de Noël, c'est pas sur la Grand Place, il faut descendre un tout petit peu vers la Bourse. D'accord. C'est normal, hein, pas loin de Manneken Pis, quoi. Ouais, voilà. Ok. Bah, en tout cas, si vous, de votre côté, vous avez vécu une expérience marché de Noël, vous avez envie de nous en parler, tiens, profitez-en. Envoyez-nous des photos aussi, si vous voulez. Bien sûr, vraiment. Ouais. Et donnez-nous peut-être des idées de sorties marché de Noël, parce qu'il y en a partout, ça fleurit partout, on ne sait pas où aller. Et si vous avez une idée originale, tiens, de marché de Noël, balancez-nous l'info sur Facebook, et on sera un plaisir de la relayer, tout simplement. Hein. Voilà. Bon, exact. Là, on va faire une petite Et moi, je voulais en profiter pour des auditeurs qui sont à l'écoute, des nouveaux auditeurs. J'ai des amis même jusqu'en Belgique, Bizet, qui nous écoutent. Pardon ? J'ai des amis même jusqu'en Belgique, on dit. Non, mais pas ici. Ah, ça va loin. Non, mais pas de la porte à côté, quoi, qui nous écoute. Ludo, j'ai Papy Charlotte qui nous écoute, et puis ma chérie qui nous écoute aussi. Voilà. Ah ben, alors, donc, aux messieurs bispoilus et aux dames, bisous, forcément. Ouais. Je sais qu'il y a aussi également Romuald qui était avec nous il y a quelques semaines, rappelez-vous, de Party Song, qui était avec nous, qui nous écoute aussi également. Donc, je lui fais je le salue au passage, évidemment. Il y a aussi Nathalie qui nous écoute régulièrement, voilà. Et puis aussi, vu l'heure qu'il est, Madame Spinozzi qui nous écoute aussi. Je connais pas le prénom, donc l'appelle Madame Spinozzi, qui nous écoute aussi également dans sa voiture. Donc je la salue au passage, voilà. Ok. Pourquoi elle a pas de radio chez elle ou Non, en fait, elle loge dans sa voiture. Non, mais elle vient à 10 km d'ici pour capter. Ah, c'est ça. Elle habite trop loin, elle fait le trajet, en fait. Sinon, il y a le site internet, on peut le rappeler, www.rqc.be, et là vous avez le player où vous pouvez nous écouter en direct depuis internet n'importe où en France, en Belgique ou dans le monde. Salut les gars, les filles, enfin ça c'est Canon qui le dit. Sauf qu'il y a à mon avis des endroits comme le Pakistan ou des choses comme ça. Où... Pakistan, la Corée du Nord peut-être. La Corée du Nord, je suis pas sûr qu'on puisse nous écouter. Alors j'ai appris ça, c'est qu'ils ont, je pense, une centaine de sites maximum sur lesquels ils peuvent aller en Corée du Nord. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit d'aller sur d'autres sites, c'est bloqué de toute façon. Ils vont pas sur Jacques Michel. Je ne pense pas. Je pense que j'ai mon pote Mark de Madagascar qui nous écoute. C'est vrai? Ouais. Ah bon, salut aussi de Madagascar. Michael. Ouais. Un malgache alors? Non non, c'est un breton. Ah, c'est logique. Logique de Madagascar. Un immigré. D'ailleurs, il faudrait qu'il nous ramène du chouchen malgache. Chouchen malgache. Ou des galettes. De la vanille. De la vanille. Des galettes d'Antananarivo. Je te ramènerai de la vraie vanille. Je le vois à Noël. Ah ouais, tiens. Ah ok. Avec plaisir. Ah ouais. Les galettes de Pont-Aven à la sauce malgache. C'est ça, ouais. Bon, et ben, on va se faire une petite coupure musicale avec Scotch et Take Me Up. Ah oui. Ouais. Et ensuite, on reviendra. Sponsorisé par 3M. De quoi? Sponsorisé par 3M. Oui, c'est ça, ouais. Et voilà, ensuite, on reviendra avec les confettis avec Sound of Sea. C'est aussi l'hymne du carnaval. Allez, à tout de suite. This is a sound of sea. This is the sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is the sound of sea. This is the sound of sea. Of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music. Bonjour, c'est Sabine Paturel et vous êtes sur RQC et c'est 80 à l'heure. Sabine Paturel. Ouais, moi j'aime bien. Ben ouais, mais c'était une belle rencontre. Ah moi bah j'ai oui, bien oui, aimé. Complètement. Mais je pense que c'est aussi lié à la rencontre. C'est pas juste que la chanson, parce que bon, la chanson, une fois honnête, c'est pas non plus, c'est pas piquer des verres, hein, comme dirait l'autre. Mais voilà, je pense que c'est aussi une belle rencontre avec Sabine Paturel, qui est quelqu'un de très humble, très très ouverte et une belle artiste aussi. Ah ouais, ouais, vraiment. Non, oui, il est très Arnaud. Canon sort de ce corps, s'il te plaît. C'est ça. Donc, qui tourne aussi beaucoup. Hein. D'ailleurs, elle est sur un plateau qui s'appelle le Platine 45. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois aussi qu'il y a notre ami Patty, qui est également avec elle. Jean-Pierre Morgan, qui est aussi également qui fait partie du plateau. Et puis, il y en a d'autres. Jean-Pierre Morgan, des avions. Hein, ouais, absolument. Précise pour ceux qui ne connaissent pas forcément, parce que tout le monde ne connaît pas les noms des chanteurs des groupes des années 80. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et qui est aussi très très bon, très bon musicien, et avec qui on avait passé un très très bon moment lors de leur tournée. Du coup, je me rappelle plus. C'était top 50. Top 50. Ouais. Top 50. Ouais. Avec Marc Touescal. Oui. Eh bien, bon allez, on est un peu à l'avance, mais on peut peut-être y aller avec leur rétro ciné 80. Ouais. Attends, là je me cale parce que je l'avais pas fait encore. Hop. Voilà. Ça va aller mieux, tu verras. Il fricote avec ses potards, alors j'explique un direct. Allez, c'est parti. Tu vas faire à souder. Nom de Zeus, les amis. Montons vite dans la DeLorean. T'as fait la vidange ? C'est fait. Bon, ça va. Allez, partons vite vers l'année 1985. C'est de pire en pire. C'est qui là ? Je sais pas. C'est un mélange entre le Doc et Pierre Belmar. C'était le Doc Belmar, ouais. 559 euros. C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah là là. Alors, oui, donc on part vers l'année 1985, plus précisément vers le 18 décembre 1985. C'était un... Un mercredi. Un mercredi. Oui, bravo, Nissa. Non, j'ai pas fait. Un mercredi. Ah ouais, c'est vrai. Alors, c'est un film de Richard Fleischer. D'accord. Ouais, connu. Bah ouais. Ah oui. Ouais, c'est un film qui est quand même assez connu. Ouais, c'est un duo de flics. Pas du tout. D'accord. Mais il a fait des duos de flics, lui. Hein. Ouais, c'est bien possible. Je pense, ouais. Et la musique est de Ennio Morricone. Ah, excellent. Ah ouais. Ah bah ouais, c'est excellent. Ouais, bah oui, oui, oui. J'adore Ennio Morricone. Ah ouais, mais moi aussi. Ah, voilà. Mais quand tu vas connaître le film, tu vas te dire, ah ouais, c'était Ennio Morricone, ça. Ah ouais. Parce que moi, je pensais pas que c'était lui. D'accord. Bon, alors... Mais ça veut rien dire, hein, c'est pas parce que toi tu penses pas que nous on le sait pas. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le film a fait 740 457 entrées au box-office français. Ouais, C'est honorable, c'est voilà. Ouais, voilà, c'est okay. Honorable. Pour une soirée ? Non, pour une soirée. Ouais, juste au lancement, voilà. Alors, et je vais vous passer par exemple le premier extrait qui est celui-ci, écoutez bien. Pour ça, écoute-moi, Gedrun, tu as devant toi le prince Tarn de Harblock, qui veut se venger personnellement de l'odieux despotisme de Birkabel. Oh, moins de grandiloquence, roquet arrogant, petit ingrat. Modère ton audace, soubrette. Oh, je vais me gêner. Tu es décourageant, sale petit mioche. Mioche ? Mioche ! Oui, mioche. Et tu le resteras tant que tu ignoreras la reconnaissance et l'abnégation. Regarde, Falken. Lui, c'est un homme bien. Alors, j'adore la voix. Évidemment, ouais. Puisque c'est la voix d'une femme assez qui fait beaucoup de doublures. Okay. D'ailleurs, je vais faire une chronique sur cette femme qui fait aussi la voix de Bart Simpson. C'est la même voix. Hein. C'est qui fait la voix de Bart Simpson et qui est une femme. D'accord. Et qui fait c'est la même voix que Rick Schroeder aussi. C'est la même voix que plein de gamins. Voilà. Et donc qui fait le rôle du gamin là. Oui. D'accord. Ah, ouais, okay. Je suis certain. Après, par contre, ça me parle, mais c'est un film d'aventure. Oui. D'accord. Est-ce que dedans il y a un acteur qui était marié avec une actrice assez connue ? Qui était marié avec une actrice assez connue ? Ou est-ce qu'il a déjà fait des duos avec Sylvester Stallone par exemple, l'acteur principal ? De duo, non. Mais il a déjà tourné avec, mais pas forcément un duo. D'accord. Ah, tu pensais à Kurt Russell peut-être ? Absolument. Eh ben, c'est pas lui. D'accord. Mais c'est bien pensé. Moi, j'aime bien tes pistes. Les pistes que tu lances, c'est toujours sympa, parce que après, ça me fait penser à d'autres films que je me demander ou quoi là. Non, pas du tout. Non, mais alors, je t'avoue un truc, c'est que quand tu me parles d'acteur ou de film certaines semaines, je me dis ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa à faire une prochaine semaine. Donc j'y pense, je le note quelque part, et puis dans les semaines qui suivent, j'essaye de le retravailler, tu vois. Ne le fais pas trop tôt, parce que moi, dans ces cas-là, je le trouve tout de suite. Hein. Ouais, forcément. Ah oui. J'attendrai un an ou deux alors pour le ressortir. Ah ouais. Mais alors, t'as rien noté là. Hein. De quoi? T'as rien noté là. Bah non. Mais... Je le note dans un coin de ma tête. Alors, je vais vous passer un deuxième extrait. C'est la musique justement d'Ennio Morricone. Écoutez bien. Thank you. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? En écoutant la musique, on a l'impression que c'est un peu l'univers médiéval, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. On est un peu dans cet univers. Comme quoi, il donne quelque chose. C'est vrai, ouais, ouais. C'est terrible. Ouais, on a l'impression de se retrouver dans mais c'est bien parce que c'est bien parce que souvent dans les musiques on reconnaît le genre du film, voilà, c'est le ça. Le genre du film, ouais, absolument. Ouais, tu reconnais quand une musique est plus science-fiction ou médiévale ou des choses comme ça. Mm-hmm. Et là effectivement, c'est plus médiéval, on est plus dans ce style-là. Ah ouais. Alors, c'est un film américain ? Oui, c'est un film américain, ouais. Ah oui, oui. Alors, je vais vous donner des noms d'acteurs. Il y a, par exemple, Hans Meyer, Janet Agren, Terry Richards, Pat Roach, Robald Lacey, Ernie Reyes Jr., Paul L. Smith, Sandal Bergman. Et je vous laisse les deux acteurs principaux pour après. Est-ce que l'un des acteurs principaux a fait un feuilleton ? Un feuilleton ? Est-ce qu'on l'a retrouvé dans un feuilleton ou Je ne pense pas, non. Non, non, non, pas à ma connaissance. Ils ont couché à la fin ? Ça en passe tellement maintenant. Oui, je pense que dans le film, ils ont couché. Peut-être même en dehors, on ne sait jamais. Donc film plutôt teinté médiéval. Donc c'est un homme et une femme. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais tu n'en as jamais parlé de ce film, on est d'accord. Hein. Si. Oh. Ah, c'est une redite. Oui. Ah, voilà. Okay. Tu m'en parlais justement off. Est-ce que c'est un rapport avec The Doors ? Il y a un point commun avec The Doors ? Pas du tout. D'accord. Ah, d'accord. Tu pensais à Willow ? Ouais, avec Val Kilmer. Eh ben, c'est pas ça. D'accord. Mais j'aime bien. J'aime bien ce film. Oui, d'accord. Mais ouais, j'aime ta façon de penser. Mais j'aime sa façon de penser. T'as touché moi là ou quoi ? Alors, je vais vous passer un autre extrait. C'est un extrait du film également. Écoutez bien. Dieu soit loué. J'ai pu vivre assez longtemps pour te voir. Le talisman a été volé. Tous les prêtres massacrés. Nous avons lutté. Repose-toi. Nous reparlerons de cela. J'ai si peu de temps. Écoute, le talisman a de terribles pouvoirs qui croissent quand on l'éclaire. Dans 13 jours, il aura dévasté le monde par la tempête et les éruptions. Il faut que tu détruises le talisman. Enfouis-le au cœur de la nuit. Jure-moi que tu le feras. Oui, je le ferai. Oula, est-ce que ça a un rapport avec un acteur au gros bras ? Oui. Bah oui. Le monsieur, il est moche. Est-ce que dedans, est-ce qu'il y a un point commun avec Sylvester Stallone ? Attention, il est pas moche, il a un physique pas facile. Oui, il y a un point commun. Il y a un point commun avec Sylvester Stallone. Il y a un point commun avec Cobra aussi. Oui, et aussi, oui, effectivement. Ouais, ouais. Bah forcément. Donc, bah oui, et donc je vais vous passer un autre extrait du film. Ah oui. Écoutez bien, c'est celui-ci. Pourquoi me suis-tu depuis le début ? Je veux être sûr que tu trouves le talisman. Pourquoi ? Je veux être certain que le talisman sera bien détruit. Il y a des siècles, les seigneurs d'Hyrcanie avaient confié le talisman à leur prêtresse. Parce que seules les femmes peuvent le toucher. Mais le garder ou le détruire en cas de besoin, cela reste le devoir du seigneur. C'est toi le seigneur ? C'est en chevauchant vers le temple pour voir si le talisman était détruit que j'ai vu ta sœur à l'agonie et que j'ai appris le vol du talisman. Aussi m'a-t-elle guidé vers toi. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais ? Tu avais l'air de ne pas avoir besoin d'un homme, alors qu'en fait si. C'est pourquoi je t'ai suivi, et aussi pour m'assurer que tu trouverais le talisman. Alors ? Alors moi j'ai toujours pensé, quelque part, c'est un peu... On trompait un peu le spectateur, parce que ça fait penser à un autre film qui a très très bien marché. Oui. Avec le même style. Oui. Et on s'attendait à voir à peu près le même style de film, et c'est pas ça. Du tout le même style de film. Quoi. Enfin, aussi un peu quand même. Oui, d'accord. Un peu. Bon, mais alors, je vais expliquer justement tout ça. Alors, je vais vous donner maintenant le thème du film. Et bon, je pense que tu as trouvé le titre du film. Il y a des chances, bah oui. Ouais. Arnaud, est-ce que tu as trouvé ? Je suis certain que j'ai le titre. Je suis certain. D'accord. Mais si quand tu vas le savoir, tu vas dire, ben oui, évidemment. Évidemment. Et Flip 4 ? Probablement, non. Au début, je pensais, mais non. D'accord. Mesure, non, je l'ai pas, moi. Bon, je suis trop nul. Ah, on sait jamais, mais non, mais ça veut rien dire. Allez, je vous donne le... Si tu dis qu'il est nul, il est nul. Ouais, ah ouais, d'accord. Je vous donne donc le thème du film, donc, qui est de Ennio Morricone. Thank you. Alors, donc, vous pouvez le dire de concert. Non, je crois que de concert, on ne dira pas, mais moi, je pourrais le dire. Bah, Flip 4, t'as une idée? Ouais, vas-y, Flip 4, t'étais parti sur quelle idée de film? Non, de les premiers des extraits de dialogue, bien que c'était pas ça, je partais plus sur un truc genre le monde de Narnia, tu vois. Ah non, pas du tout. Non. Non, mais pour te situer un petit peu ce que je voyais et que j'avais à l'esprit. Moi, onirique. Ouais, c'est ça. Arnaud ? Alors, Arnaud. Oh, j'en ai vraiment aucune idée. Indiana Jones au départ, et puis après. Ah non, je suis parti très loin. Non. Alors, effectivement, il y a la voix d'Indiana Jones, hein, mais. Ouais, Darbois, bah, c'est ouais. Ça, ouais. La voix française. Mais d'ailleurs, je suis étonné parce que c'est pas la voix du. Non, mais je vais le dire justement après. Mais oui. Mais ouais, alors, je crois que Harry, tu es le seul à avoir trouvé. Bah, je pense, ouais. Et donc, c'est. Kalidor. Effectivement, bah, c'est oui. Kalidor, la légende du talisman. Alors, il faut savoir que le nom en anglais, c'est Red Sonja. Oui, parce que c'est Brigitte. Ça, c'est ça, c'est Brigitte Nielsen, donc la femme de Stallone. Et je crois d'ailleurs que c'est Red Sonja. Ouais, Red Sonja, mais ça se dit Red Sonja. Ah ouais, ça se prononce ouais, Sonja. Ouais. Ouais. Ouais, okay. Alors, donc, effectivement, bien qu'Arnold de Schwarzenegger donc, soit la vedette principale du film, c'est en fait Brigitte Nielsen qui est l'héroïne de l'histoire. En effet, Kalidor n'est qu'un guerrier accompagnant Sonja dans sa quête, faisant ainsi office de mercenaire. Donc faisant ainsi office de mercenaire. Si le film s'intitule originellement Red Sonja, il a été exploité en France en utilisant le nom de Kalidor, car la production n'avait pas les droits pour utiliser le nom de Conan. Oui, Red Sonja étant un personnage tiré du monde de Conan. Ah, d'accord. Parce que donc, mais Conan dans l'histoire, il joue pas le rôle de Conan, Kalidor. Alors non, justement, ils ont pris le nom de Kalidor. Normalement, il devait jouer Conan. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les droits pour utiliser le nom de Conan. Donc, ils l'ont renommé Kalidor. C'est Kalidor, con. En fait, qui est l'un des surnoms de Conan. Ah, oh, d'accord. C'est con. Donc, ouais. Mais normalement, c'était Red Sonja et Conan. D'accord. Ouais, parce que ça y ressemble beaucoup. Oui, c'est ça. Hein. Mais c'est clairement tiré du même univers heroic fantasy. Alors, Sigourney Weaver avait été pressentie d'ailleurs pour le rôle de Red Sonja. Aileen Davidson, qui joue Ashley Abbott dans Les Feux de l'Amour, aussi. Ouais, bah alors là, ouais. On demande à Flip 4, Les Feux de l'Amour. Tu vois qui? Tu te fous de ma gueule, là. Et ben, elle se présenta également pour le rôle, mais elle fut recalée. On se demande un peu pourquoi, mais bon. Ouais. Alors, Sandal Bergman, qui joue l'antagoniste du film, donc la reine Gedrun, interprétait Valeria, la femme de Conan, la femme que Conan aimait dans le premier film Conan le Barbare, et réapparaissait sous forme de caméo dans Conan le Destructeur. Elle s'était premièrement vue offrir le rôle de Sonja Larousse dans le film, mais a préféré jouer la méchante. Rien à voir avec Zora Larousse. J'y pensais justement. Je me doute. Je me doute. Ah, qu'est-ce qu'elle était belle. Alors donc, Arnold Schwarzenegger a signé donc pour un caméo glorifié comme une faveur au producteur Dino De Laurentiis. À sa grande surprise, donc caméo glorifié, c'est que il apparaît pas juste pour une scène, mais pour quelques minutes dans le film. À sa grande surprise, il fut coincé sur le plateau pendant 4 semaines, 3 semaines de plus que prévu. Il a découvert, après avoir regardé une partie du film, que son rôle avait été étendu en co-star, grâce à des angles rusés et à de multiples caméras. Peu de temps après, Schwarzenegger décida de mettre fin à son contrat de 10 ans avec De Laurentiis. Ah ouais. Donc ouais, bah en fait, ils l'ont trompé hein, de ce côté-là. Ils lui ont dit, ouais, tu vas juste apparaître quelques minutes. Et puis bah en fait, ouais, fric, il fait plus d'une demi-heure dans le film, hein, je pense. Donc, alors, il faut savoir que Ernie Reyes Jr., qui joue donc le prince Tarn, donc le gamin, signe ici sa première apparition au cinéma. On le retrouvera l'année suivante dans la série Le Chevalier Lumière et quelques années plus tard dans le film Tortue Ninja 2. Ouf, ouais. Alors c'est lui, et maintenant il est devenu chorégraphe pour les scènes de combat pour tout ce qui est film d'arts martiaux aux États-Unis. Ouais, je vois plus du tout la tête qu'il a, mais. Ah, Le Chevalier Lumière si tu vois sur sur YouTube, tu tapes Le Chevalier Lumière, tu vas voir, tu vas faire ah ouais, cette série c'était bien. Ça passait, je crois, le samedi ou le dimanche matin sur TF1. Le dimanche matin, à mon avis, je regardais pas, mais. Alors, c'est effectivement donc Richard Darbois qui fait ici la voix de Schwarzenegger. C'est, bah lui, oui, c'est, la, étonnant, c'est lui la voix d'Harrison Ford. Bah oui, c'est troublant. Alors, il faut savoir que Schwarzenegger ne sera doublé par Daniel Beretta, qui est son doubleur officiel maintenant, qu'en 88 avec Double Détente. Alors, pour la petite anecdote, Daniel Beretta sortait d'un studio. Il était en train de parler avec un ami. Et il y a une productrice qui passait par là, qui a entendu la voix de Daniel Beretta, qui est quand même assez grave. Bien sûr. Et elle lui a demandé de l'appeler le lendemain à 11h, en prenant un accent russe. Ah. Lui, il l'a fait, quoi. À 11h, il a composé le numéro qu'elle lui avait donné. Et puis, il a fait « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir madame un tel ?» Et puis, il a entendu derrière « Do it again !» Et puis, donc, il l'a refait. Et il a entendu « He got the job !» Et c'était Schwarzenegger. Ah, cool. Avec double descente. Non, pas double descente, double détente. On voit les mecs qui fréquentent les bars. Jouait un russe dans l'histoire, mais... Ouais. Non, c'était pour double détente, effectivement. Et c'est la première fois où il a doublé Schwarzenegger, et depuis, il le joue régulièrement. C'est la voix officielle. Ouais. Bah oui. Mais par contre, il n'a pas fait Terminator, alors. Alors, pas le premier. Il l'a fait pour le deuxième, à partir du deuxième. D'accord, ouais. Parce qu'on a l'impression que c'est la même voix quand même dans le 1 et le 2, quoi. C'est parce qu'on s'en rappelle plus. Ouais, c'est peut-être parce qu'on connaît plus la réplique, le I'll be back, plutôt que le je reviendrai. Parce qu'en français, c'était plus ça, mais on connaît plus le I'll be back, même en France. Bah ouais, ouais, c'est vrai. Alors, Arnold Schwarzenegger évoque lui-même ce film comme l'un de ses pires. Il affirme, en riant, que c'est un excellent outil disciplinaire pour ses enfants. Il leur dit, s'ils le mettent à bout, ils seront forcés de regarder Kalidor 10 fois de suite. Par conséquent, aucun de ses enfants ne lui a jamais donné beaucoup de problèmes. Ça, c'est ce qu'il a dit en interview. Hein. Ouais. Et enfin, Brigitte Nielsen et Arnold Schwarzenegger sont sortis ensemble lors du tournage du film. Ah, tiens. Eh oui, Brigitte Nielsen retrouva d'autres bras musclés quelques temps plus tard en la personne de Sylvester Stallone. Ah, j'imagine que derrière, c'était Cobra. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Et après, évidemment, Rocky 4. Oui. Où là, il y avait également un autre avec des gros bras, c'était Dolph Lundgren. Ouais, absolument. Qui était à la base garde du corps. De Brigitte Nielsen. Ah ouais. Ouais. Donc elle a dû coucher aussi avec Dolph Lundgren. Je sais pas, mais à la base, c'était son garde du corps. Ah ouais. Et c'est elle, en fait, qui lui a dit « tu devrais faire du cinéma », et c'est elle qui l'a proposé également pour le film Rocky IV. Le monde est petit. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on te proposera un truc, hein. Peut-être. Toi qui es le garde du corps de Flip 4. Ah, je suis la voix officielle de Casimir. Hein. Ah bah oui. Sosie vocal de Casimir aussi. Le même physique, hein. C'est ça, oh, c'est ça. En bouteille d'orangina, c'est ça. Eh bah écoute, ça fait plaisir de reparler de ce film. Alors c'est vrai que ça n'a pas été un chef-d'œuvre, mais Arnaud, ça te parle maintenant. Je crois que je ne l'ai pas vu. Ah ouais. D'accord, mais tu connais les Conan par contre. Ah oui, les Conan, ouais. Dans le même style, hein. Mais c'est le même univers en fait. Hein. C'est juste que Kalidor, ils pouvaient pas utiliser le nom de Conan, donc ils ont utilisé le nom de Kalidor, qui est apparemment un des surnoms de Conan. Mmh. Parce que j'ai essayé de chercher un petit peu les fans en fait de l'univers de Conan, donc plus en roman, parce que c'est d'abord sorti en roman. Hein, ouais, bien sûr. Apparemment, c'est l'un des surnoms de Conan. Flip 4, tu te rappelles? Non, franchement, le titre, oui, mais très franchement, quand c'est passé au silo, c'était pas le genre de truc qui m'attirait, en fait. Et qui c'est qui t'a attiré, alors? Qui m'attire en amour, hein, on ne s'égare pas, non. Non, mais très franchement, c'était pas le genre de... Non, moi non plus, hein. Honnêtement, c'était... J'avoue que même à l'époque, qui n'a pas vu Conan le Barbare, hein. Ouais. À ne pas convenir avec Conan le Barbant. Ah, tu l'as faite. Je me demandais si t'avais à faire, évidemment. C'est en affaire. Mais très franchement, et même je peux te dire que pourtant je mets assez bien à l'époque, c'était peut-être aussi la plus prolifique pour Arnold. Dès qu'il y avait un film avec Arnold, je regardais très franchement Conan le Barbant, j'allais dire l'autre. j'ai pas accroché, c'est pas le genre de truc que je cherche à revoir. Je sais qu'il est repassé depuis sur les chaînes télé. Non, franchement, non. Donc, tu vois, je veux dire, tout ce qui était dans la lignée de ces films-là, c'était pas franchement le truc qui me branchait. Je cherchais à voir. Sincèrement, vous pensez pas que ce genre de film, dans les années 80 à 85, bénéficie quand même d'un phénomène qu'on ne connaît plus aujourd'hui? C'est le fameux phénomène, c'est je vais au vidéoclub pour aller louer des vidéos. Oui. Et oui, on allait si, ça louer, je sais pas pour vous, hein, mais on allait louer 4-5 VHS. Ah oui, oui, complètement. Allez, on s'en foutait un peu. Allez, tiens, on va se faire une petite comédie. Ah, mais on va ça. Se faire un petit. Et ça fonctionnait comme ça. Enfin, je sais pas si bah ouais, c'est ça, parce que tu avais des réductions en plus. Si tu si en prenais plusieurs, tu avais des réductions. Exactement. 4 films gratuites. Je peux dire que chez moi, mon père a bouffé les magnétoscopes. On a eu même les premiers, les VCR, avant le V2000. Oula. Ouais, ah ouais, non, ouais. Connu, mais... bon, il n'y avait pas de cassette de vidéo de location. Quand on est passé au système VHS, ouais, c'est là où je me souviens, même j'étais à l'armée, je revenais le samedi, j'avais le droit, on avait au moins une dizaine de cassettes qu'on pouvait louer. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai fait une overdose de films d'horreur. Ah ouais, tu m'étonnes. Très franchement, c'est non pas que ça m'effraie ou ça me fait rien du tout, à part les Freddy, mais j'ai fait une overdose avec les Evil Dead. Les Freddy, ça t'a fait peur? Non, ça, j'aimais bien. Non, non. Ah oui, d'accord. Il y a pas. Non, non, mais parce que j'allais dire maintenant, regarde les Freddy, ça a très mal vieilli. Oui, frère, oui, oui, oui, oui. Mais je veux dire, mon père, je me souviens, c'était un moment. Dans les films, il y avait 8 voire 9 cassettes sur 10 de films d'horreur. Ouais. Dans la lignée des, à l'époque, des Evil Dead. Ouais, alors bah c'était oui. même des films genre Suspiria et le Triomphe de Satan. Ouais, tout à Amityville, fait. Amityville, ouais, c'était la Et j'en ai une overdose de ces films. Ah oui, bah, bien sûr, c'est toujours Mais ouais, effectivement, c'était le rituel du. C'était beaucoup, beaucoup de films en provenance d'Italie déjà. C'était beaucoup les Italiens qui faisaient des films d'horreur à l'époque. Mmh, absolument. Et oui, je suis en train de chercher de qui c'était, justement, comme celui que je viens de nommer. Pourquoi les films d'horreur? Oui, c'était. Bah, c'était Wes Craven. Hein, Non, non, c'était un nom. Freddy, t'as raison, Freddy Krueger, les premiers, c'était Wes Craven. Non, non, je parlais pas de Freddy Krueger. Hein, je parlais des films. Dino Argento. Ouais, Argento. Comme Evil Dead, c'était qui déjà? Evil Dead, c'était. Bah, c'est pas aussi pareil. C'est le même que Conan le Barbare, c'est le même. Ah non, non, non. C'est pas Dino. Dino De Laurentiis. Ouais. Non, non, non, non. C'est celui qui a fait les premiers Spider-Man. Enfin, Ouais. C'est un italien aussi. Hein, mais Il faut que je revienne dessus, mais ouais. Ouais, je pense que c'est un italien aussi. Mais bon, vous êtes d'accord avec moi quand même qu'à l'époque, Marano, t'as connu ça, où on se faisait un plaisir d'aller en vidéoclub et puis on pouvait louer facile. Puis moi, j'avais la chance, j'allais au Cinoche gratos, donc. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Tu connaissais l'ouvreur? Non, je distribuais les affiches pour le cinéma, un petit cinéma de quartier. Et j'avais le droit à mes petites entrées. Ouais, mais en Bretagne. Ouais. Il n'y avait qu'une seule salle. Ouais, il n'y avait qu'une seule salle. Ouais. Un seul film. Ouais. Et on allait à 12 potes en mobilette. Non, mais ça peut le faire. Hein. Moi, c'était classe. Ça existe encore, hein, les petits cinémas de quartier comme ça. Ouais. On a à l'ERS encore. Ouais, les dires, voilà. Ouais, c'est ouais l'amicale ciné. Ouais, c'est ça. C'est dans une ancienne école. Ouais. Mais je trouve ça sympa, franchement. Oui, bien sûr. Je trouve ça vraiment bien. C'est pareil, il y a Bousbec aussi. Il y a, ouais, à Luin aussi également. Oui. Il y a la Familia aussi à Luin. C'est vraiment le petit cinéma de quartier, comme à l'époque. Et ça marche encore, quoi. À Croix, il y en a un aussi, je crois. C'est possible. Ouais, ouais, à Croix possible, ouais. Avec une seule salle. Hein, où ça? Il me semble. Du côté de rue de l'Écluse, il me semble. Ouais, un peu plus loin. Ouais. Après la voie de chemin de fer. Plop. Ouais, je pense qu'à Wascal, il me semble, il y a le. Ah mince, je reviens plus sur le nom, tu vois pas? Ben non, parce que je connais bien Croix, hein. C'est pour ça que je suis en train d'afficher. Il y en avait un cinéma au Deux Moulins qui a disparu depuis très longtemps, et c'était la seule salle de cinéma qu'on avait à Croix. Mais il y avait même aussi à l'époque, hein, mais j'en avais déjà parlé, les cabines. Mais oui, ouais, mais ça c'était pareil. Mais... Ça c'était illégal ça. Il y a pas l'esprit de mal tourner. Mais il y avait des cabines. Moi je me rappelle, j'étais gamin et on pouvait louer une cabine pour louer Rambo, Rocky, n'importe quoi. Et puis t'étais dans une petite cabine avec un petit siège et tu regardais le film. Parce que les caméscopes c'était pas les magnétoscopes pardon. Tout le monde en avait pas. Hein, oui, oui, oui. C'était pas forcément évident et puis c'était un investissement. À l'aise. Et c'était pas notamment comme les VCR, c'était loin d'être fiable. Hein. Ouais, non, mais c'est encore les systèmes avec les deux bobines superposées, donc la bande qui travaillait en diagonale. Combien de fois ça se barre en couille ce truc? Je sais pas. Mais bon, cela dit. Pas 10 heures. Non, ça se fait, ouais. Mais non, mais. Ça alors partait en vrille, tu voulais dire. Ça partait en vrille. Les VCR. Les VCR avait, la bande vrillée, voilà. Alors les VCR et les V2000, c'était une qualité qui était supérieure à la VHS. Ah, tout à fait. Le problème, c'est que leur durée maximale, c'était, je pense, 1h30. Et oui. Dès que tu dépassais les 1h30, bah, tu pouvais plus mettre de films dessus. Bah, les V2000, je l'ai retourné, hein. Oui, mais t'étais limité en temps et c'était plus cher, les V2000. Oui, ouais. Donc, et c'est ce qui a permis à la VHS de se développer, c'est que t'avais une qualité qui était un petit peu moindre par rapport. Qui était pourri. Ouais, mais bon. Regarde. Après, ça s'est amélioré aussi par rapport aux têtes de lecture. Il y a eu le VHS, il y a eu le système Betamax qui était très proche c'est ça, du, oui, le Betamax, ouais, du système des professionnels qui est encore utilisé d'ailleurs aujourd'hui. Hein. pour sa qualité. Ouais. Après, on a eu le même avec les, l'ancêtre des DVD, lecteurs DVD, le j'en ai un, Laserdisc. Laserdisc. En termes de qualité, la luminosité d'image, ça vaut largement les Blu-ray. Ce qui a l'emmerdement, c'est qu'effectivement, un film, c'était sur un. Alors, dimension d'un 33 recto verso. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais j'en ai encore un qui fonctionne très bien. Et ça coûtait la peau des fesses, le support. Exactement. Ah, ouais. Plus maintenant, hein. Maintenant. Ah bah maintenant, je pense que t'en as gratuit. Oh, pas forcément. Non, tu l'étais quand même. Pas forcément, et tu payes peut-être même plus cher qu'à l'époque. Hein. Oh, je, pense que, non, je suis pas sûr, non, il y a une ronde de casse, tu peux trouver. Enfin, vous devez avoir le matos pour le lire. Hein. Cherche un magnétoscope à l'heure actuelle, tu verras le prix que tu vas coûter. Le prix qui va coûter. Ouais, c'est dans les 200 euros. Hein. T'as des lecteurs pas chers. Ah, ouais. Ben, ce qu'il faut, si on peut, parce que le dernier. Enfin, je parle des cassettes qui étaient commercialisées, c'est de trouver des magnétoscopes 6 têtes en hi-fi stéréo. Ouais. Ouais. Voilà, c'est trop technique pour moi, mais. Parce qu'il n'était pas à la base, en fait. À la base, ils ont sorti les magnétoscopes deux têtes. C'était une tête pour la lecture vidéo et une tête pour la lecture pour audio. Après, ils ont fait les quatre têtes. Ouais. Donc, c'était deux têtes pour la lecture vidéo et deux têtes pour la lecture audio. Ensuite, ils ont fait les six têtes. C'était quatre têtes pour la lecture vidéo et deux têtes pour la lecture audio. Donc, t'avais du son stéréo qui sortait. Ouais. Ce qui était magnifique. Et les quatre têtes vidéo, c'était pour avoir un rendu encore plus précis, des ralentis, ouais, super précis et tout ça. Mais c'est vrai que. Des vitesses de lecture double aussi, tu pouvais enregistrer en longue durée. Ah oui, je me rappelle, ouais. Tu pouvais accélérer, oui, accélérer. Mais il fallait avoir le même magnétoscope, parce que moi, je me rappelle à l'époque, on me prêtait des fois des VHS, où c'était enregistré en accéléré, tu voyais en accéléré. Alors, non, c'est ça, c'est parce que t'avais un magnétoscope qui faisait que deux têtes. C'est ça. Une vitesse. Voilà. Et tu peux pas lire le DBL. Voilà. Ah, je sais pas ce que c'est que le DBL, mais. Bah, la demi-vitesse. Ah, pardon. D'une cassette de DBL. Évidemment, t'es bien. Bah oui. Demi-vitesse. Quel con. Double. DBL. Double. Yes, of course. Double speed. Yes, okay. Ok. Et non, avec des cassettes de 3 heures, on pouvait se taper des 6 heures d'enregistrement. Moi, ça m'a bien servi. Moi, ça m'a bien servi, justement, dans les vidéoclubs. À l'époque, j'allais chercher tout ce qui était Stephen King, parce que j'adore les Stephen King. Et le problème, c'est que par exemple, le film Le Fléau, c'est 2 fois 3 heures. Ah oui. Et les cassettes de 3 heures, ça coûtait un bras. Oui, oui. Donc, je prenais des cassettes de 2 heures, et puis je faisais la lecture. Je copiais, mais en longue durée. D'accord. Comme ça, j'avais une cassette de 4 heures. Mais t'as une déperdition au niveau de la qualité. Un peu. Ouais. Peu. Évidemment. Mais c'est vrai que... comme j'avais un 6 têtes. J'avais 4 têtes vidéo et 2 têtes audio, ça se voyait pas tellement. D'accord. C'est vrai qu'il était courant, on trouvait partout des 60, des 120 et des 180 au niveau de la durée. Mais après, c'était pour trouver donc que je dis pas de bêtises, c'était des 300. Ouais, il y avait des 240 pour les 4 heures. Et, et on trouvait après, des 300, effectivement. Il y avait même des 30. Oui, oui. Mais tout le monde, ça servait, mais alors tout le monde n'en avait pas, alors il fallait courir. Je crois que moi, déjà à l'époque, je les trouvais à Auchan. Pour pouvoir toutes les marques ne le faisaient pas non plus. Ah bah non, c'est clair. Enfin, en même temps, il y avait des qualités aussi de cassette. Il y avait des qualités. Ouais. La couleur des bandes déterminait la qualité de la bande. Le truc qui me faisait rigoler, c'était la manière dont ils avaient fait pour éviter de pirater. Il y avait juste une languette tu mettais un bout de scotch dessus, forcément. Ok, bah dis donc, et on en apprend des choses. C'est tous les bons souvenirs. Et... Ah ouais, oui, complètement. Et ouais, maintenant, on est plus à l'ère du téléchargement, de la VOD. Ouais. Et oui, du streaming. Du streaming, voilà. Ouais. Et c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il faut qu'on évolue avec notre temps. Et puis on aura peut-être d'autres choses encore. Ouais, mais il y a quelque part, tu vois, c'est au détriment de la convivialité. Ah oui, je suis d'accord. Hein. La convivialité, ne serait-ce que même déjà la base, aller faire la démarche d'aller dans un magasin. Ouais, le plaisir de pirater, enfin... Ouais, le plaisir de pirater, il est toujours là, je pense, parce qu'il y a des pirates. Toujours, copier les jaquettes, tout ça. Mais c'est tellement facile. Ah oui, attendez, on va arrêter, parce que là, on avance. Vous vous rappelez quand même qu'il y avait des magazines. Des jaquettes de la semaine à la télé. Je te jure, je les ai balancées lors du déménagement de ma mère, en décembre dernier. J'avais des jaquettes, c'est des magazines complets. Télé-ciné-revue. Oui, il y avait Télé-cassette aussi. Ouais, Télé-cassette, Télé-ciné-revue. Et VSD, ils avaient une jaquette, en fait, à la fin du magazine. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu achetais ce magazine avec tous les jaquettes vidéo possibles, t'avais une première ou dernière page, je sais plus, où tu payais les titres qui te manquaient, t'avais plus qu'à commander le magazine qui te manquait. Ah oui, oui, oui, voilà. Oui, absolument, ouais, c'est clair. Et puis quand t'avais pas le film, t'étais dégoûté, tu le cherchais partout pour voir le film, pour ça. Remplir la cassette. Et alors, je me rappelle, j'allais à Lille, il y a une boutique qui était spécialisée dans la vente de cassettes vidéo, vierges. Tu avais des stickers transparents dans lesquels tu pouvais glisser la languette avec le titre du film. Ouais. Et après, ils ont fait moi, je les faisais à l'imprimante. Avec les titres de films, la durée. Oui, je me rappelle. Mais bonjour la place que ça prenait. Mais j'aimais bien. C'était pas clos, mais c'était sympa. Ouais. Mais on aimait tous ça. Et d'ailleurs, je suis sûr que chez vous, vous avez tous vos collections de VHS. Quoi. On en a tous chez nous. Je me souviens qu'à l'époque des premières VHS, quand j'étais gamin, qui n'avait pas encore ces magazines-là, chez mes parents, je découpais dans le programme le titre du film que je collais avec du scotch sur la languette adhésive où on marquait le titre. Et je faisais la jaquette avec ce que je découpais. Est-ce que tu as remarqué quand même à l'époque le programme? C'était exactement la taille du carré qu'il y avait au-dessus de la cassette VHS. C'était pas anodin. C'était pas anodin. Hein. Moi, j'ai fait ça aussi. Où tu découpais, c'était exactement l'emplacement sur la VHS. Non, mais il y a plein de trucs, comme ce que j'aimais bien. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, de chaînes qui l'ont fait aussi. La 5 le faisait écarté, je crois, pour donner le top signal quand un programme démarre en retard ou à l'avance. Ah non. Parce que les programmations qu'on met pour l'enregistrement. Qui est-ce qui s'est pas fait avoir de ne pas voir la fin d'un film? C'est vrai en plus. Voilà. Ouais. Et t'as Arte, c'est je sais plus comment ça s'appelle ce système qui donne un top signal en fait. Oui. Quelle que soit ta programmation, de toute façon, ça va non ça. C'est un code en fait à rentrer. Ouais, exactement. En fait, en dessous des films dans les magazines, il y avait un code. Ouais. Alors je sais plus comment ça s'appelait aujourd'hui c'est les. Ça donnait le top signal, quoi, en fait. Oui, d'accord. Film, alors, l'enregistrement démarrait à ce moment-là. C'est ça. Tout à fait. Ouais. T'avais même plus à rentrer l'heure, en fait. Tu mettais juste ce code. Le code, et puis, En fait, dès que le magnéto recevait signal du code de la chaîne, il commençait à démarrer l'enregistrement. Ah, c'était bien. Ce qui faisait que t'avais ton programme complet. Ça se calait, Ah, c'était folklore, mais c'était bien. Par contre, l'emmerdement, toujours avec ces cassettes, c'est quand tu voulais faire des copies ou même les retransférer sur un. T'avais pas le droit de faire des copies. Non. T'avais pas le droit, c'était illégal. Ne pas reproduire chez soi. Il fallait que t'aies l'original. Oui. Et même de les copier sur un DVD. L'emmerdement, c'est que les bandes, tu ne peux pas, même de manière accélérée, tu es obligé de lire. Il n'y a pas de transfert de fichiers. Oui. Bah non, c'était bah non, l'inconvénient de l'analogie. Ça laisse plein de bons souvenirs. C'est le but. C'est le but. Bon, c'était bien. Franchement, on a un petit coup de nostalgie. C'était le show view. C'était le show view. Le show view, voilà. Oui, ça me rappelle. Ça me rappelle quelque chose. Eh bien, sur ces mots, on va quand même se faire une petite coupure musicale. Puisque juste derrière, on va retrouver, évidemment, donc la chronique de Flipkat. Ne ratez pas, puisque ça va être un hommage donc à Johnny Hallyday. Notre rocker national. Eh ouais, absolument. Donc... je sais pas, Sherlock, ce que t'as prévu. J'ai prévu Stevie Wonder avec Master Blaster. Ah, du reggae, tiens. Oui, un petit peu, en avance, parce que demain, il y a l'émission, moi j'en mets juste un titre. Ouais. Et ensuite, on reviendra avec The Cure et In Between Days. Ok, bon allez, programme. C'est parti. Ça marche. Thank you. Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM, Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. John. Oui. Legion of Imagination. Absolument, il a fait mieux lui hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, et ben vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, bien évidemment, donc de 20h à 22h30. Oui. N'importe quoi. Parce que je regarde l'heure en même temps et je me dis oui, on a un petit peu la bourre, mais pas tant que ça. Je vous rappelle que d'ici une grosse demi-heure, ben on a lancé un défi à notre ami Arnaud hein, qui vient nous faire un petit coucou de temps en temps donc dans l'émission. Il a voulu la ramener en disant je fais mieux. Et là, ouais. Et là, il est en train de lire. C'est mieux que Sherlock pour les sorties Cinoche. Et ben dans une demi-heure, c'est lui qui va faire les sorties Cinoche à la place de Sherlock. Il nous a promis qu'il ferait mieux que toi. Ah ouais. Et il doit faire la présentation, l'intro, façon Sherlock aussi. Hein, absolument. C'est... D'accord. Ah oui, la totale. Ah ouais. La totale. Ah ouais. Attention, voilà. Ça rigole plus là. Et là, il est en train de dire, je suis pas dans le bain. C'est ça. C'est quoi cette flaque que je vois en dessous là? Bon, en attendant, c'est la chronique de notre ami Flipkat. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Avec un petit ZZ Top, la grange, septembre 4. Rumors spread around, and that takes a time. Allez, c'est parti. Tu as un problème, Ah oui, t'as pas de casque, il entend non, pas lui. Pas de casque. Ah, merde. C'est pas grave. Non, c'est toujours un plaisir d'entendre les Zizi Top. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais. Mais je les assure encore, les pépères. Hein. 67 ans, je les ai vus en juillet. Allez, bah. Bientôt leur tour. Prends-en de la graine. Ouais, non, mais je suis à bonne voie. Je t'ai toujours dit, regarde, je suis un exemple vivant. Le rock and roll, ça conserve. Ouais, c'est vrai. Pas tout le monde le formol aussi. Autant. Le formol. Ouais. Ouais, quand on voit, Harry, oui, aussi. Le formol et une petite dose de formant. Ça conserve. Ah, ouais, non. Allez, soyons sérieux. Et d'ailleurs, je t'ai invité. T'as pas répondu, par contre. J'aimerais bien que tu me répondes à l'avenir. Ah, bah, c'était quoi la question? C'est l'occasion ou jamais. Bah, l'occasion. Alors, je t'ai mis l'occasion de quoi? En plus. D'aller voir les formants. Bon, allez, on va passer à autre chose. Oh, mon Dieu. Je sais pas encore combien de temps je vais devoir me coltiner. Tu peux m'appeler Harry. Pardon ? Tu peux m'appeler Harry. Ouais ? Non, tu dis mon Dieu. Oh, ça va le chouille ? Oh, putain. Ouais, ça va. Oh, ouais, ok. Duo bon. Formol, putain. Allez. Ouais, donc comme je le disais tout à l'heure, je me devais, parce qu'on m'a sollicité aussi, hein, et puis c'est vrai qu'après réflexion, parce que comme vous le savez, je ne suis pas un fan, du tout, même de Johnny Hallyday, ça ne, c'est pas pour autant que je dénigre son talent, hein, sa carrière, je reconnais que. Voilà, donc je me devais de rendre un petit hommage à notre rocker national. Je sais que ce soir, j'ai pas mal d'amis qui m'écoutent de temps à autre, beaucoup vont être à l'écoute ce soir. Donc encore une fois, je me répète, hein, mais j'aimerais, je vais essayer de faire du mieux que je peux. C'est un hommage que je rends, mais à ma façon. Très franchement, je dirais que c'est comme certaines chroniques de certains groupes ou certains chanteurs. Quand on commence à regarder, je me sers de plusieurs supports, hein, wiki, les sites officiels, ça. Très franchement, ça va être difficile de retracer une carrière de, comme ce monsieur, donc 57 ans de carrière. Voilà. Alors on va faire au mieux, et puis voilà. Parce que je sais que très bien. Contrairement aux morceaux que j'ai pu sélectionner, les plus marquants, hein, qui ont été des succès, je m'attends à ce qu'on me dira pourquoi t'as pas choisi celui-là, dommage que t'as pas mis celui-là. Ah oui, non, mais c'est normal. Hein. T'as franchement pas passé les 1000 titres non plus. Hein. Je doute que l'émission de façon aurait suffi hein, pour rendre un hommage complet. Bien sûr. Encore faut-il qu'il soit complet, parce que je pense que c'est une prétention. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que je me suis concentré principalement sur sa carrière musicale. Parce qu'on sait que. Il a eu une carrière cinématographique. Tout à fait. Et puis, y a pas mal d'anecdotes aussi, tout au long de sa carrière, intéressantes, de loin, de près. Je suis passé au-dessus. Ok ? Donc voilà. Ok. Allez, c'est parti. Donc, Donc, bien évidemment, on va parler de Johnny, regretter Johnny Hallyday. Hein, de son vrai nom, c'était Jean-Philippe Smet. hein, qui est donc un chanteur, compositeur et acteur français, on vient d'en parler à l'instant, né le 15 juin 43 à Paris, et décédé, ben ça tout le monde le sait, hein, récemment, dans la nuit du 5 au 6 décembre à Marne-la-Coquette. Il a donc, comme je le disais aussi, cumulé, on va dire, on peut dire cumulé, ouais, c'est quand même impressionnant, 57 ans de carrière. Un des plus célèbres chanteurs francophones et l'une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique français. Ça, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Alors, mais il n'est pas belge. Ses origines, oui. Origines, mais moi, il est né en France. Hein. Oui. Il est adopté en France, je crois que c'est ça. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ça aussi, c'est Julien. Par ses oncles, par son oncle et sa tante. C'est son oncle et sa tante, tout à fait. Vous ne voulez plus entendre parler de son père. Hein, donc, Et son père qui était belge. Oui, tout à fait. D'accord. Ah, d'où le nom. Oui, absolument, oui. Et d'ailleurs, quand son père est décédé, il n'a pas été à l'enterrement de son père. Donc. Enfin, ça fait partie de. Et à son fils non plus. Oui. Donc voilà. Oui, c'est un peu dommage, hein, c'est ça. Non, je crois qu'Harry n'a pas tout suivi. Non. Donc son père n'a pas été à l'enterrement de son fils non plus. Donc, non, bah, je le doute. Je le doute. Non. Sa grand-mère non plus, j'imagine. Ouais. Non. Alors ça, écoute, t'as pas les infos qu'on détient, mais c'est à vérifier. Hein. Bon. Ah bah si, Lino Renault était là. Oui, d'ailleurs, on la salue. Ouais. Oui, on la salue au passage. Ouais. Ami de Charles, d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai qu'on salue aussi. Oui. On aura une bonne compile avant la fin d'année. Riez pas demain matin, riez pas les gars. Ouais, ça va là. Si on nous annonce le que mercredi, Charles il a passé l'arme à gauche, le mercredi c'est plus les sorties. Pour ça, ça n'engage que toi. Moi là-dessus, je m'abstiens. D'habitude, j'aime bien. Tu sais que j'ai un humour assez caustique et assez noir. Je m'abstiens parce que. Bon, mais t'as froidi. N'empêche que cette année, c'était l'année des gigs hein, quand même. Il y a eu Jean d'Ormesson. Oui. Il y a eu après, c'était Jeanne. Calment mais non, pas Jeanne Calment. Jeanne Masse non, Jeanne non, Masse, je non. Sais plus. Il y a eu non, était à la télé dimanche. Il y a eu Jeanne quelque chose. Johnny Hallyday, c'est l'année des J. À quand Joule. Joule. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui. Joule. Ouais, c'est vrai. Bon, regardez les doigts croisés. Allez, donc évidemment, s'il n'est pas le premier rocker, on va dire, hein, à chanter du rock'n'roll en France, il est en 1960, en tout cas, le premier à populariser cette musique dans l'Hexagone. Puisque c'est ça que j'essaie d'expliquer à chaque fois pour les gens qui n'arrivent pas à faire le distinguo entre les années 50 et les années 60, les 60s. En fait, c'est ce qui s'est passé comme toujours et encore de nos jours. On a souvent un grand train de retard pour pas mal de choses, bien sûr. Question découverte, en l'occurrence musicalement parlant. Alors sa longévité au premier plan de la scène artistique et ses prestations vocales et scéniques lui attirent la reconnaissance de ses pairs et du public. Alors, au total, on en parlait tout à l'heure en antenne, il a réalisé 79 albums, dont 50, on n'était pas loin, donc 50 albums studio, hein, et donc 165 singles, donc des 45. Voilà, pour les chiffres, très brièvement. Alors, moi, ce que je me suis intéressé, c'est comment il a débuté sa carrière, qu'il a débuté très tôt, il a débuté en 60, hein, avec le soutien de ses proches, notamment... Et c'est aussi l'origine de son nom de scène, ouais. De Lee Hallyday, Holiday en fait, hein, qui le produit. Convaincu que cette musique peut s'imposer en France, Lee Hallyday fait envoyer d'Amérique par sa famille des disques rock qui permettent à Johnny de faire son apprentissage de rocker. Il devient dans le même temps possesseur d'une collection phénoménale de disques alors inconnue en France. D'ailleurs, Eddie Mitchell affirme à ce propos... Johnny avait beaucoup de disques américains qu'on ne pouvait pas acheter en Europe, ce qui me permettait aussi d'écouter tout ce que je ne pouvais pas écouter autrement. Si bien qu'on passait souvent des après-midi et des soirées à écouter Elvis Presley, Bill Haley, entre autres, et des tas d'artistes encore aujourd'hui méconnus, hein, mais pour les plus populaires, qui n'étaient évidemment pas disponibles à l'époque en France. On parlait même pas d'import au niveau des disques. Hein, voilà. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote que j'avais entendue, je ne l'ai pas retrouvée, mais je pense qu'elle n'est pas confirmée, puisque tous les deux possédaient quand même de belles collections de raretés au niveau des disques, des vinyles, et qu'une fois, Johnny lui avait piqué à Eddie Mitchell un de ses disques, et qu'Eddie Mitchell lui avait collé une baffe monumentale. Quoi. Ah ouais ? Ouais, ils en ont beaucoup ri après, je suppose. Voilà. Alors donc, comme je le disais, elle avait débuté sa carrière très tôt, hein, puisqu'en 58, Johnny fréquente ce qui bientôt devient le lieu de culte de rock français, le Golf Drouot, oui. Qui appartenait donc à Henri Leproux. C'est là qu'elle retrouve d'autres copains, futurs confrères et concurrents, tels que Long Chris, Danny Logan, Jacques Dutronc, évidemment, et vous en doutez, Eddie Mitchell. Sur le tremplin, s'inspirant de ses idoles, il chante des reprises et adaptations françaises du répertoire américain en s'accompagnant la guitare. Alors son premier disque, un super 45 tours, sort le 14 mars, et sur la pochette, son nom est par erreur orthographié avec deux Y. Ah oui. Parce que ça devait être avec un I à l'idée. Et donc en fait, c'est cette erreur, cette graphie, elle sera conservée pour l'orthographe de son nom et sur toutes les pochettes. Voilà. Alors le premier titre que j'ai pu retrouver, en fait, je ne connaissais absolument pas, de son premier 45, ça s'appelait tout simplement Tellement T'aimer, pardon, follement, et qui date de 1960. Que voilà. Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. De t'aimer et follement, mon amour. De t'aimer et follement, je te jure. Ça n'est pas gentil, mais ça m'est égal. Je me moque de ce qu'on dit, car moi je trouve que c'est normal. De t'aimer et follement. Yéyé, là. Pardon ? C'est du yéyé. Oui, voilà, tout à fait. Mmh. Hein, c'est l'époque, puisque je vais en parler, de Salut les copains, hein, de revue qui est éditée donc, à l'initiative justement de gens comme Johnny. Ce que je veux dire, effectivement, bon, c'est à partir de ce moment-là que la France, l'Hexagone, a découvert un nouveau style, un nouveau genre musical, hein, puisque je vous expliquais pourquoi. C'est qu'effectivement, un petit peu comme à l'instar d'Elvis Presley, Johnny, quand s'est présenté, et par rapport à ce qu'on pouvait découvrir de son style musical, il a été boycotté d'une manière directe ou indirecte de certaines émissions. Hein, et seule l'émission Salut les copains, justement, qui était quotidiennement programmée sur Europe 1, Europe numéro 1 à l'époque, hein, fait figure d'exception. Dès l'apparition du disque, le chanteur est largement soutenu par les présentateurs Daniel Filippacci et Franck Thénault. Alors, au niveau de ses influences musicales, elles sont innombrables, puisque bon, il a débuté avec ce qu'on appelait à l'époque aux États-Unis, dans les années 50, le rock'n'roll, un peu de rockabilly, avec des gens qui étaient totalement inconnus dans les débuts des années 60 en France. Pour ne pas les citer, mais pourtant, je dirais que j'en ai sélectionné deux titres de ce qui était un grand rocker américain qui est décédé très très jeune en Angleterre. Hein. Il s'agit d'Eddie Cochrane, qui était une source d'inspiration, puisqu'il reprenait énormément de ses morceaux, mais ce qu'on appelait à l'époque, il faisait du yaourt. Les paroles n'étaient pas la traduction du titre original. Ah oui, bah non. Mais c'est pour déjà à l'époque, ouais, une question de droit d'auteur. Hein. Voilà, et donc Eddie Cochrane n'était pas connu puisque Cochrane est mort en 60, hein, donc ces titres là que je vais vous passer étaient sortis en 59 et Johnny en avait repris un, notamment en reprenant le titre d'Eddie Cochrane qui s'appelait Something Else, hein, quelque chose d'autre, et en fait lui l'avait retitré Elle est terrible, mais ça ne parlait pas exactement de la même chose. Ah oui. Alors on va commencer peut-être avec j'ai dû mettre en premier donc Elle est terrible, voilà, qui donc de 63 par Johnny. Qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle aguiche mes amis, même les plus petits. Pourtant, pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Voilà. Alors, donc, en fait, ce belle titre. Belle chorégraphie, oui, j'adore ça. Mais moi, ça m'éclate, hein, ces titres-là. Elle est terrible. Hein, mais en fait, donc, à l'origine, c'est un titre, donc, comme je l'avais mentionné, d'Eddie Cochrane qui datait de 59, qui s'appelait Something Else. Je vous dirai après de quoi ça parle exactement. Il y a une petite nuance quand même. Voilà. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que bon, pour l'époque, là, c'est de 59. Hein, c'est un enregistrement un peu particulier parce qu'on ne parlait pas encore franchement d'enregistrement stéréo. Oui. Hein, mais très franchement, je dirais que c'est ça la différence de la transition du rock'n'roll quand ça a été grâce à Johnny. Hein, ça, je ne vais pas le nier. De cette mode musicale qui commençait à s'essouffler aux États-Unis, nous en France on le découvrait. Oui, bah hein. Oui, c'est clair. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au travers de reprises comme celle-là, le morceau, m'excuserai, mais je vois pas d'autres termes pour l'exprimer, le morceau perdu de ses couilles, en fait. C'est qu'au niveau instrumentation, voilà. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'une époque, à part ce morceau-là, hein, Something Else, Eddie Cochran, qui était un excellent guitariste, hein, il avait 23 ans, hein, en fait, il est mort très jeune, il a joué dans ce morceau encore en plus la partie guitare-basse. Mmh. Ce qui est extrêmement rare dans des enregistrements des années 50 de Rock'n'Roll Rockabilly, puisqu'on utilisait principalement de la contrebasse. D'accord. Qui sonne pas pareil. Là, bon, on entend de la basse, c'est une exception. Mais même quand on entend le morceau repris et interprété par Johnny, avec une instrumentation qui est quand même un peu plus plate, il y a moins de rondeur, même si tous les titres de rock'n'roll qui sont repris, hein, d'après d'originaux ou pas, sera toujours interprété avec une guitare basse. Bien la sûr. Contrebasse, on ne la verra jamais dans des groupes, que ce soit même avec Dick Rivers ou Eddie Mitchell, hein, qui ont été quand même les porte-drapeaux de ce style musical-là. Donc voilà. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, quand on connaît un peu les paroles du titre de Johnny, elle est terrible, il parle d'une nana, d'une fille, hein, regarde un peu cette fille-là, tandis que dans le morceau de Cochrane, il parle d'une voiture, en fait. Ah. Le mec il dit, regarde un peu cette voiture, ouais, un jour... Il y a des similitudes quand même, hein. Oui, non mais ouais, c'est pour dire... Carrosse, c'est toutes les deux. Ouais, voilà, certainement... Hein, et en fait, le mec dit, Cochrane dit qu'en simplement, un jour, il va se la payer, quoi, voilà. Ouais. Donc, alors, il y en a un autre, et aussi, j'ai choisi, hein, parce qu'il y en a, je vais vous dire très honnêtement, c'est deux exemples parmi 213 reprises que Johnny a fait quand même. Bien sûr, hein. C'était le roi de la Cela dit, je ne vais pas dire qu'elle n'a... Non, voilà, tout à fait, ouais. Avec d'excellentes reprises, hein. À la sauce française. Il y avait aussi un autre titre pour encore illustrer des reprises de Cochrane de l'époque, hein, puisque ça, on est toujours dans les années 60 avec Cut Across Charlie, que lui avait rebaptisé Cours plus vite Charlie. Alors le morceau Cut Across Charlie de Cochrane est de 59, toujours, lui l'a repris 10 ans après en 69. Donc Cours plus vite Charlie par Johnny. Nous aimons, je crois, la même vie depuis déjà longtemps. Faisons alors une course à travers tout le pays. Celui de nous deux qui gagnera épousera Lucy. Accours plus vite, Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas. Accours plus vite, Charlie, et tu gagneras. La vie sera pour toi. Ouais, alors, moi je suis moins fan, hein, mais. Oui, tout à fait. Mais bon, bah voilà, la reprise, l'original, c'était le morceau d'Eddie Cochrane, donc Cut Across Charlie. Now a country boy called Shorty and a city boy named Dan had to prove who could run the fastest to win Miss Lucy's hand. Now Dan had all the money and he also had the looks, but Shorty must have had something, boys, that can't be found in books. Oh, well, I cut across, shorty, shorty, cut across. That's what Miss Lucy said. Cut across, shorty, shorty, cut across. It's you I wanna win. Voilà. C'est pour donner deux exemples de... C'est un peu comme ça que Johnny a démarré. Il n'a pas fait que ça, hein, Dieu merci. Puisqu'il a fait des reprises même... en anglais, hein, de telle que les chansons avaient été faites. Il a repris une chanson de... que je ne dise pas de bêtises, de... Ouais. Les Vertiges de l'amour, c'est... Bachung. Bachung, en anglais. Oui. C'était l'inverse, là. Ouais. Exactement. Alors, donc, les autres influences, hein, il y avait évidemment Elvis Presley, il avait fait de nombreuses reprises, et pas qu'une, d'Airbrick Hotel, puisqu'il avait fait trois versions en 58, 74 et 84. Et un autre titre, Memphis, Tennessee, de Chuck Berry, avec deux versions également, en 75 et 96. C'était quand même ce qui, même les derniers temps, il a toujours dit, c'est parce que commercialement, ça ne pouvait plus, pour lui, prendre... au niveau de ses fans. Mmh. C'est bien pour ça que j'ai même un ami qui est fan de Johnny, il a dit non, Johnny ne fait pas du rock'n'roll, c'était plutôt de la variété, de toute façon c'est clair. Quand on connaît ses influences... Dans l'essentiel de sa carrière, oui. Comme plus il avançait après les années 70... Pop-rock, on va dire pop-rock. Pop-rock, ouais. Il a fait du mashed potatoes, il a fait de la country du aussi. Du mashed potatoes. Oui, oui, oui. Ouais. Bah, c'est un petit peu au travers de... C'est de la cuisine, ça. Non, mais c'est un style bien court musical. Ah ouais. Mais voilà, quoi... Mais il est toujours revenu, il a de temps en temps fait des petits concerts privés où il pouvait jouer ce qu'il aimait, c'est-à-dire vraiment les grands standards du rock'n'roll, voilà. Mais c'est sûr que, allez, même encore dans les années 80, quand il y a eu un regain pour le rockabilly, c'est pas, je vois pas Johnny, même s'il a fait en 84 un album qui s'appelait Nashville 84, mm-hmm. avec des grands du rock'n'roll qui ont enregistré chez Sun, comme Carl Perkins, c'est pas, je ne pense pas qu'il aurait pu continuer une carrière sur ce même style. C'est possible. Voilà. Ou il n'aurait pas eu autant de succès. Non. Peut-être de la part de fans inconditionnels de la première heure, mais pas. Pourtant, son bateau, il était petit, hein. Pardon ? Son bateau à Johnny, il était assez petit, quand même. Hein. Non, mais dans... Il dit que c'est lui qui va dans faire la chronique, dans la baie de Monaco, ça me fait peur. Quand tu vas dans la baie de Monaco, tu vois le bateau de Johnny, il est très petit. Oui. Ah ouais ? Ouais, bah... Ouais. Ah, je vois. Donc, c'était donc... Je veux fumer la même chose que toi, Arnaud. Oui. Gentil, hein. Alors, il y a aussi, au travers de toutes les chansons qu'il a pu écrire, toutes n'ont pas été écrites par Johnny. Hein. Il n'en a pas écrit tant que ça. Hein, non, justement, c'est ce que je veux dire. Quand j'ai mentionné tout à l'heure les 233 adaptations, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais cela dit, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont écrit pour lui, tels que Mike Jones, Tommy Brown ou encore Toto Cutugno. Ah ouais. Ouais, assez étonnamment. J'ai pas cherché à savoir quel titre parce que je pense que, bah, effectivement, comme je me le disais tout à l'heure, l'émission ne suffirait pas. Alors là, je vais peut-être terminer en passant volontairement tout ce qui est anecdote, hein, carrière cinématographique. Hein, j'ai voulu me concentrer effectivement pour lui rendre hommage sur une sélection de titres. Et là encore au passage, je remercie un ami qui était un grand fan, hein, Jean. Qui nous écoutera peut-être, qui réécoutera l'émission en podcast. Jean-Philippe Smet ? Non, Jean-Philippe, on va lui mettre On lui va mettre la clé dans le cercueil. Et qui m'a aidé pour une petite sélection, parce qu'effectivement... c'est pas simple, hein. Ouais. Ne serait-ce que j'ai sélectionné par décennie, on va dire, pour les années 60, 70, quelques titres. Alors... À mon avis, effectivement, qui sort bien du lot pour les années 60, vous allez dire, bah oui, j'ai sélectionné Noir, c'est Noir, qui date de 66. Ah bah oui. Oui, justement, je devais le vérifier tout à l'heure, mais j'étais tellement préoccupé à chercher d'autres titres que j'ai complètement zappé. Pas d'être connerie, c'est Black is Black, mais on va dire quoi. Alors après, ben évidemment, j'ai sélectionné, je suis passé aux 70s, hein, les années 70. Là, je pense qu'on ne va pas me contredire. Hein, quand on m'a évoqué le titre, je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est un titre qui me restera pour les années 70. À l'époque où mes parents écoutaient, entre autres, quelques morceaux de Johnny, hein, j'étais les 45. Les Shadows. Oui. Black is Black. C'est les Shadows. Oui, voilà. Black is Black. Exact. Black is Black, c'est les Shadows, c'est sûr. Oui, les Shadows. Ah ouais, c'est étonnant ça. On avait pour les années 70 aussi un titre parmi tant d'autres, mais que moi, effectivement, c'était en fait une sélection de titres. J'ai fait un choix aussi en me disant, tiens, c'est vrai, c'est ce que j'entendais ça, assez souvent. Alors, ben, pour cela, j'ai choisi Ma Jolie Sarah. Tu vis dans l'illusion. Ah ouais, du coup, maintenant, oui, pour ton matin, évidemment, c'est un titre qu'on connaît. Hein. Voilà, ça tu vois. Ma jolie Sarah, alors. Oui. Ah ouais. Oh, ma jolie Sarah, oui. Et j'ai vu dès les premières notes, tu as fait. Ah, mais oui, mais bien sûr. Ah ouais, non, c'est sûr, les riffs derrière, on les reconnaît. Ouais. Voilà. Un autre titre encore pour les 70s, les années 70, qui date de 75, oui, La fille de l'été dernier, oula, qui est aussi une reprise de Cochrane. Ça me dit rien du tout, par contre. Alors, moi non plus, ça me disait plus rien, mais quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais. Ouais, ça craque comme en 75. Hein. Oui, ok, d'accord. Oui. Je connaissais la version anglaise. La version américaine. Ouais, américaine. C'est enfin, chanté en anglais, je parle. Ouais, Paradis Cochrane. Par contre. De 59. Celle de Johnny, par contre, j'étais complètement passé à côté. En même temps, ouais, 75, j'étais pas né encore. Là, elle est assez proche de l'original. J'aurais pu la mettre aussi, hein, mais au niveau de la basse. C'est pour dire que, quand même, on voit où ses influences ont été prises. Hein. Cela dit, c'est très bien, hein, c'est pas une critique. Hein. Alors après, ben, on va passer plus aux 80s, les années 80. Avec un morceau qui date de 85, Rock'n'Roll Attitude. Ah oui. Tout me fait craquer. C'est encore de la dernière pluie que je peux être né. La mort qui fait des kidneys. L'amour qui pas décidé. Moi, je suis moins fan. Pardon ? Je suis moins fan de ce titre-là. Oui. Enfin, là aussi, au début, ça ne te disait rien. Et puis après, tu vas dire, mais oui, mais bien sûr. Voilà. On avait aussi. Forcément les titres. Tout à fait. Ensuite, toujours pour les années 80, on avait un autre titre. Hein. J'ai dit, par rapport à des propositions qu'on m'a faites, une grande sélection, j'ai retenu L'Envie. Ah oui. Chanson qui a été écrite d'ailleurs par Jean-Jacques Goldman. En live. Oui. Oui. Elle est en live ? Oui. Donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. On me donne la peine, que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid, pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, bah j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix et qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Ouais. Et c'est pas la version préférée, enfin, il y a des versions live. Non, c'est parce que c'est ma faute. Philharmonique, j'ai pas fait gaffe, j'ai repliqué une version live. Le live à la Tour Eiffel était sympa. C'est vrai. Ouais. Voilà. J'ai un auditeur ici, hein, Ludovic. Salut Ludo. Ouais, salut Ludo. Qu'on salue au passage. Bah, bien sûr, on va le saluer. Hein. Qui nous écoute de Belgique. Hein. Ah, ouais, donc il est à l'étranger quoi. Non, qui m'a balancé en fait un lien par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Sur un titre chantant en français, Laisse les filles, dans lequel il y a une contrebasse. Parce que tout à l'heure, je parlais des morceaux, la plupart jouaient avec une basse. Ah oui, d'accord. Donc il y avait quand même une contrebasse. Oui. Okay. C'est pas la même sonorité, mais bon, là, ça, semble-t-il, c'est une exception. Bon, après, évidemment, on va sortir du cadre des années 80, on va passer aux années 90, les 90s. Et là, ben, à ton avis, J'ai retenu quoi ? Vivre pour le meilleur. Allumer le feu. Oui, pour voir nous. Allumer le feu, c'était dans les années 90. 98, oui. Ah ouais. Et c'est Zazie et Obispo qui ont... Ouais, et non pas Zizou, parce qu'à un moment, Johnny a quand même, fait quand même des coquilles. C'était justement, il connaissait l'équipe de France et il dit, ouais, je connais Zazie. Ah oui, c'est vrai, c'était l'inverse, ouais, c'est vrai. Mais non, ça c'était Zazie et Obispo qui avaient écrit celle-là. C'est vrai. Et Obispo, je sais pas. Ouais. À l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes des barrages, et sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, et monter le son des guitares, et le bruit des motos qui démarrent. Ouais, c'est vrai que c'est un titre incontournable, emblématique. Mais bien sûr. Idée, évidemment. C'est vrai. C'est pour ça que là, je vais pas chercher midi 14h, j'ai mis celui-là parce que, effectivement. Bah oui, évidemment. De toute façon, je crois que c'était aussi un titre qui, dans tous ses concerts, il le faisait. Oui, quoi. Oui. Systématiquement, ouais, je pense. Bah oui. Mais oui, même dans les derniers concerts, il le chantait encore. Hein. Et puis, ben, pour terminer, hein, on va terminer sur un de ses derniers titres, De l'amour. De l'amour. De l'amour, mais là, pas tout, il avait raison. Ça, c'est Yodelis qui lui a écrit. C'est Maxime Nucci, l'ex de Jennifer. Ah ouais. C'est pas facile de se faire un bonjour lâché. Perdre prise de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années, comme le boulot que je venais de trouver. Mais là-bas, toi, ne veux plus embauché, il ne me reste plus qu'un seul projet. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Alors là, c'est plus plausible quand même. Oui, alors je disais, puisqu'on parlait tout à l'heure de contrebasse, de basse, là on entend bien, on revient à une version un peu plus acoustique, puisque bien évidemment c'est toujours et plus original pour toi par rapport à la musique. J'aime assez bien en fait, quand j'ai entendu ce morceau-là, au niveau du rythme, tout ça, oui. Non, il a fait de bonnes choses. Hein, Et par contre, je pense que cet album-là a moins fonctionné auprès des fans de Johnny qui reconnaissaient pas par contre le style Johnny. Parce qu'il était revenu à un truc plus bluesy. Un peu roots. Ouais, c'est ça. Non, mais tout à fait, mais c'est ce qu'il aurait toujours voulu faire. Hein. La photo que j'ai mise tout à l'heure pour la présentation de la chronique, une photo donc Brian Setzer, le leader des Stray Cats, qui avait été, que Johnny avait fait revenir des États-Unis pour faire un concert après le Bercy, pour ses 70 ballets. Il y avait que 50 places. J'ai moi-même, malheureusement, pas le temps de me bloquer une place. Un concert vraiment... À Bercy, comme... non, pas à Bercy. Non, après Bercy. Ah oui, après Bercy, d'accord. Ouais. Ah, voilà. Et il avait fait un petit concert privé et réuni quelques dons, Brian Setzer, ce qu'on voit sur la photo, pour jouer justement, pour revenir plus à ce qu'il a toujours aimé, le rock'n'roll, le rockabilly. Un peu plus intimiste. Et voilà. Et très franchement, j'aurais aimé y participer. Malheureusement, il y avait que 50 places. Autant dire que quand c'était balancé sur le net, on avait déjà eu l'info. Tout était compris. À quel prix surtout ? À quel prix ? J'imagine que vous avez ouais, j'aurais tenté le coup. Hein. Franchement, ouais. Mmh. Enfin voilà. Donc voilà, un petit hommage j'ai rendu à ma façon. Je me suis pas trop étalé sur les anecdotes parce que quand on regarde, il y a de quoi faire. Il y a des périodes. Allez, sur les années 60, il y avait, j'aurais pu parler de la rencontre avec Sylvie Vartan. Bien sûr. Il y a toutes ces choses-là. Mais ouais, on aurait pu passer les titres de Sylvie Vartan, ça se fait là. Ouais, ouais. Déprime. Ouais. Avec ton parfum. Mais vous savez combien de femmes il a eu d'ailleurs ? Johnny ? Ouais. Comme on n'a pas eu tant que ça, hein, finalement. Ouais. Il a eu Sylvie, ouais. Nathalie Baye. Mm-hmm. Alors, il n'était pas marié avec Nathalie Baye. Non. Ouais, non, mais enfin, il les a quand même eu, quoi, dans son lit, au moins. Oui, oui, enfin, il y en a eu d'autres dans son lit, à mon avis. Il y a eu Babette, tu parles de mariage, alors, du coup. Mariage, ouais, je parle de mariage. Ah ouais. Je sais qu'il a été avec quelques temps avec Sonia Roland. Il était marié deux fois avec la même nana, quand même. Adeline. Et ouais. Ouais. Marié une fois, divorcé, il s'est remarié avec. Ouais, c'est ouais. Fou, quand même. Et puis, bah, après, je pense la que c'est Laetitia. Ouais, la tcha-tcha, ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait au moins 6. Je pense qu'il a, enfin, avec lesquels il est. Non, oui, non, il y en a eu beaucoup plus que ça. Ouais, ouais, je pense bien. Mais largement, on lui a prêté pas mal de liaisons avec plein de, même des américaines et ce genre de choses, bien sûr. Hein, mais il a été marié, ouais, 4 fois, je crois. Avec 4 femmes, en fait. Ouais. Ce qui est étonnant. Bah, quand tu vois Eddie Barclay. Ah, justement, c'est étonnant. Ah, lui, il était marié combien de fois, Eddie Barclay? 8 fois. Ouais, 8 fois, ouais. Je sais pas, mais. Donc, ah ouais, c'est étonnant qu'il n'y en ait pas eu plus. C'est ça que tu veux dire. Ah oui, d'accord. Bah, j'entends par là, oui, que c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu plus que ça, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai qu'avec la carrière qu'il a eue, c'est un peu le mythe aussi du show business, quoi. Dès que t'es connu, forcément, t'as plein de femmes. Ouais, enfin, Johnny, c'était pas le dernier non plus, hein, je pense que. Ah ouais, c'est clair. Voilà, enfin, j'imagine. Je vais me tromper, mais. Voilà, quoi. Petite précision hein, pour clore donc cet hommage. J'ai encore Ludo qui dit en précision, à titre d'info, si tu veux une info, il était occupé par rapport à la dernière chanson qu'on vient de passer, hein, De la mort, à enregistrer son 51e album. Ouais. Et il a fait donc 10 chansons sur 12 en fait. Hein. Ouais. C'est bien, au moins il y aura un album qui va sortir. Ouais. Bah, c'est déjà prévu hein, pour le mois d'avril, je pense. Alors moi je me posais la question justement, la tribu, alors finalement pour le coup, c'est un titre de Johnny ou c'est un titre d'Eddie? Oui, j'ai encore vu la pub. Je sais pas. Parce que je me suis posé la question. C'est sympa, c'est très très sympa. Ouais, je sais pas si et je, j'en ai parlé, j'ai parlé de ça la semaine dernière justement. Bah ouais, je trouve qu'il est vraiment bien ce titre avec. Alors il y a William Scheller, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a Jacques Dutronc, il y a Julien Clerc, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday évidemment. Et chacun reprend une ou deux phrases de leur chanson célèbre. Il y a Christophe aussi également. Oui, d'accord. Dedans, et tous les potes qui se connaissent entre eux, quoi. Ils font une chanson qui est plutôt sympa. Et je me posais la question de savoir si c'était un des titres de Johnny ou un des titres d'Eddie Mitchell ou un des titres de quelqu'un d'autre, j'en sais rien, parce que comme c'est très collectif, mais il est sympa. Il est sympa le titre. Eh bien voilà mes gens. Eh bien merci à toi et puis merci pour cette rétrospective sur Johnny Hallyday. On en apprend des choses et on aurait pu en apprendre encore plus. Tu l'as dit, mais c'est normal. Là, j'ai quand même en essayant de faire. On a quand même pris 3/4 d'heure. Ouais, c'est clair que c'est. Mais bon, c'était essentiel. Il fallait qu'on le fasse. C'était quand même Johnny Hallyday. Et puis écoute, on te remercie. On va se faire une petite coupure musicale puisqu'on va demander à notre ami Arnaud de relever le défi qu'il avait lancé la semaine dernière. C'est lui qui va prendre en charge les sorties Cinoche. Alors, est-ce que lui va vraiment nous donner envie d'aller au cinéma? Moi, j'en suis certain. Il va falloir y mettre du cœur. J'y mettrai du cœur, comme dirait Gigi Goldman. De mon corps aussi, s'il faut. Et ce sera juste après cette coupure musicale, cher Luc. Alors avec Paul Young et Love of the Common People, qui est une reprise également. Alors je ne sais plus de qui, mais je sais que c'était une reprise. Et ensuite ce sera avec Michel Polnareff et Goodbye Marilou, pardon. Oh, c'est pas mal, c'est sympa. Bah oui, j'espère bien. Allez. Allez, c'est parti. On free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dress

se lève et couche avec le jour. La lumière vient du clavier, ma pilou. Je m'envoie son pseudo, mais c'est elle qui me reçoit. Jusqu'au petit jour, on se dit tout de nous. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui m'a répondu ok pour un rendez-vous. Et oui, donc Paul Naref avec Goodbye Marilou. Alors, et avant c'était Paul Young. Ouais, Paul Young. Avec, alors par contre, il faut que tu rappelles le titre là, parce qu'évidemment. Alors Goodbye Marilou pour Paul Naref, et Paul Young c'était Love of the Common People. Ouais. Qui est une reprise donc des j'ai déjà oublié. Des Shadows, voilà. Aussi. De quoi? Bah, les Shadows, tout à l'heure c'était aussi les Shadows, le titre de. Ah non, c'est pas ça. Bah non, c'est tout à l'heure. Non, non. Là, c'est les Four Preps. Okay. Les Four Preps en 67. Les Forceps ? Non, pas les Forceps. Les Four Preps. Et ça a été plus connu après par les Everly Brothers. D'accord. Ok, ok. Voilà, voilà. Eh ben écoute, c'est noté. Et ben maintenant, c'est le moment où jamais. Ah oui. Lancer le grand défi. On est un peu à la bourre. Parce que là, on va rire. Il faut que je mette. Parce que là, Arnaud nous a lancé un défi. Hop. De faire la chronique ciné. Tac. T'es prêt ? Tac. Allez, go, c'est parti. Je mets. Ah ouais, que tu l'as fait comme pour toi, mais. Ouais, vas-y. Non, non, je commence, je parle et je te fais un petit signe. D'accord, donc je te lance la chronique. Allez, c'est parti. Nom de Zeus. Hey, vous remarquerez qu'il me copie quand même, hein. Même si c'était pas bien apparemment ce que je faisais, il me copie quand même. Hein. Non, mais je maintiens quand même la chronique. C'est ah oui, d'accord. Faut, c'est important. Okay. Allez, on la refait, donc c'est bien. Nom de Zeus. Et fais-le en Casimir. Non, il faut pas entraîner, il n'y a pas le temps. T'as pas le temps? Non, okay. J'ai pas le temps. Donc tu vas nous donner envie d'aller au Cinoche demain. Ouais, et donc j'ai voulu faire un con un petit peu différent. Je suis sorti de mes sentiers battus. Bien. J'ai contacté une agence de prod. Oui. Et j'ai eu une interview. Ah. Et là, je te bluffe. Là, je te bluffe. Donc je suis allé à Lens. Dans une société une start-up qui est en train de monter. Et je te fais écouter un extrait, je sais pas si tu reconnaîtras. Quand j'ai décidé de créer ma PME, je me suis dit, le Nord, Toyota venait de s'installer à Valenciennes, moi, ça a été Hédin. J'ai monté Artois Studio 2000. On fait du doublage de films. Je fais travailler les gens du pays, des ch'timis, comme on dit. Alors, j'y crois. Et c'est quoi comme... Pour le moment, on fait surtout du doublage de films pour adultes, disons. T'es un peu pareil chez Tio, avec ta vieux petit cul. Arrête, arrête. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Ça va pas te dire que t'es farouche? Avec tous tes potes de ça qui s'redressent, t'es là, hein? Tu crois que c'est quoi tes pas? Tu vas me rendre dingue, prends-moi, Christian, prends-moi comme un bête! Tu t'as une rue de cochonnerie, hein? Regarde un peu après ma bazar, là, ouais, là qu'après mes couilles, ouais, me file, ouais, t'as une rue d'appétit, je sais bien, papa, viens, papa, ici. Qu'est-ce que tu me fais, Christian? Papa, t'es va prendre copier, t'as petit trou de balle, ouais. Oh non, Christian, on n'en fait pas là. Ah, si. Non, oui. Non. Et votre entreprise fait des bénéfices? Non. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Ah, je viens. Ah ouais, donc non, une start-up qui m'étonne. C'est quoi, il n'y avait pas beaucoup de sorties ciné cette semaine, donc je suis parti sur les DVD. C'est enregistrement là, c'est toi qui l'as trouvé ou Ah mais c'est connu ça, c'est ouais, phénoménal. C'est, hein. C'est les guignols de l'info. Bah, les guignols, qui ont fait ça. Ah c'est pas mal. Tu les as pas reconnus. Mais c'est pas qu'un peu des gens du Nord quoi. Ah bah, ouais bah oui. Mais c'était tout un truc qu'ils avaient fait justement sur les ch'tis en fait. Non mais c'est sympa. Voilà. Donc trois seulement sorties cette semaine au cinéma, enfin sélectionnées. Hein. Moi, j'ai pas fait la sélection. Ouais. Je t'as suis mis un bout de temps en plus pour faire la sélection. Carrément. T'as bossé toute la nuit. Une seule en Belgique. Bah là, je pense que c'est pour les enfants. Star Wars 8. Mais je pense que c'est. Regarde, je crois que j'ai noté idem. Idem. Pour les dates de sortie, donc ça veut dire que c'est aussi en France. Ah parce que vous travaillez en coproduction. Bah oui, ouais, c'est, okay. C'est en binôme. D'accord. Et donc, ben, il y a les acteurs très connus que tout le monde connaît forcément, dont moi le premier, Daisy Ridley, John Daisy Ridley, ouais. Boyoga et Mark Hamill. Voilà. Ah oui, Mark Hamill, évidemment. Connu, ouais. Bah, oui. C'est Luke Skywalker. Yeah. Qui a pris un coup de vieux quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Mais il est encore là. Bah, la première, le premier, c'était 77 hein, quand même. Ouais, non, mais bien sûr. Bah, ça fait 40 ans, le gars. Ouais. Ouais, bah oui. Donc, les héros du réveil de la force rejoignent les figures légendaires de notre chère galaxie dans une aventure épique hein, qui révèle les secrets ancestraux de la force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé. Donc on va en apprendre des choses. Ouais, alors, okay. Le tout père de dire, qui ça, Bah c'est ça, ouais. Bah, en fait... Le père de qui hein. Je voudrais pas spoiler le dernier, le numéro 7, mais en gros... Daisy Ridley, qui joue le rôle, en gros, de l'héroïne du film, le nouveau film, en gros, retrouver Luke Skywalker. Et donc, bah, maintenant, à mon avis, ça va être son entraînement par Luke Skywalker, qui est l'un des derniers Jedi. Ouais. Et alors, il va y en avoir combien, là, comme ça, des Star Wars? Normalement, ils ont annoncé jusque 10. 10, ouais, je crois. Ouais. Et après, il y aurait peut-être encore une nouvelle trilogie qui s'annonce. Ok. Voilà. Rappelle-nous donc le ça c'était en Belgique, Star Wars 8, le dernier Jedi. Les derniers Jedi. Parce que c'est The Last Jedi en anglais, mais ça a été traduit par Les Derniers Jedi. Ouais, et c'est comme Star Wars, c'est... normalement c'était la guerre des étoiles. Mais... Non, les guerres de l'étoile. Ouais. Star Wars c'est les guerres de l'étoile qui a été traduit par la guerre des étoiles. Okay. Donc, mauvaise traduction, mais là c'est le producteur lui-même qui a dit que c'était Les Derniers Jedi. Ok, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est en Belgique, demain. Enfin, je crois. Hein. Rappelle-moi, ouais, c'est, ouais, c'est ça, c'est demain. À Mouron. Ouais, c'est à l'étranger. En France, il y a un super film qui va sortir pour les enfants, Girl Strip. Ça m'étonnerait. Je ne sais pas pourquoi, mais là, t'es en train de nous raconter un bobard. Les acteurs, enfin, les actrices Regina Hall, Queen Latifah et Jada Pinkett Smith. Chanteuse, hein, Queen Latifah. Queen Latifah, ouais, Queen Latifah, c'est une chanteuse de R&B qui a fait pas mal de films aussi, dont le remake de Taxi. Ah ouais. Qui est une daube intersidérale. L'ai vu, c'est nul. Y a pas d'autre mot, en fait, c'est nul. Mmh. Et Jada Pinkett Smith, qui est la femme de Will Smith. Ah, d'accord. Bon, y a donc, promotion canapé, là, derrière tout ça. Hein. Ouais, non, pas forcément, c'est une actrice, hein, donc après... Ouais, il faut avoir écouté le résumé. Oui, d'accord, pardon, ah, ouais. On est tout oui. J'aime bien la petite notion de français, là. Ryan Pierce, auteur E, à succès. Auteur ouais. C'est bizarre. À succès de livres de développement personnel, ça c'est bon pour tous nous quatre. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Invite ses trois meilleures amies d'université, je les cite Dina, Lisa, Sacha, que des A. Mmh. Bon, elle les a pas revues depuis plusieurs années, et puis donc elles vont aller dans un festival qui s'appelle le Festival Essence, organisé tous les ans à la Nouvelle-Orléans pour célébrer la diversité et la créativité afro-américaine. Oula, ah oui, donc, c'est des blagues alors. Voilà, carrément. Alliance, Discord sont réactivés, le côté sauvage de chacune se réveille et la solidarité féminine est ressuscitée. Et là, ça part en vrille, j'imagine. Le tout sous un flot d'alcool, de musique, de soirées, de grabuges et de flirts à en faire pâlir toute la ville de tous les vices. À faire pâlir Canon aussi, j'imagine. Ah bah, sûrement, ouais. Évidemment. Ah, et ouais, le deuxième titre, c'est La Deuxième Étoile. Donc apparemment c'est un film belge. Bah, je sais pas, t'as préparé la chronique, tu dois le savoir. C'est Lucien Jean-Baptiste Belgique 2.2017. Non, pas du tout, non. C'est un blague en plus. Hein. Non, non, c'est un film de et avec Lucien Jean-Baptiste. Ouais. Ouais. Exact, acteur, ouais, il est dedans. Il y a Firmin Richard et Roland Giraud. C'est Firmin Richard, mais bon, bon ouais. Firmin Richard. Ouais, Firmin Richard et Roland Giraud dedans. Roland Giraud. Alors, John Gabriel a décidé d'emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la montagne pour Noël, donc c'est d'actualité. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C'est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, bronzée, j'imagine. Ouais. Et ses enfants qui n'ont pas envie de partir. Jojo lui confie son humeur, pas son humour, son humeur. Et ouais. Sa femme lui annonce qu'elle doit s'occuper de son père, qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle a fait le choix d'épouser John Gabriel. Mais pour Gabriel. John Gabriel, la famille, c'est sacré. Et Noël aussi. Bref, un navet. Voilà. Ok. Ouais, un navet, je sais pas, c'est une comédie française. Le premier avait bien fonctionné. Ouais, c'était assez original. C'était la première étoile, c'est ça. C'est un peu, ouais, c'est un peu c'est la ça. Version, je trouve, un peu. Allez, on change de contexte et on le fait en français, mais c'est un peu la version de Rasta Rocket, je trouve. Mmh. Tu sais, mais là, ça se passe. Ouais. Bah, si, parce que c'est Si, c'est les blagues qui vont à la neige, quoi. Bah ouais, bon, c'est un peu cliché, quoi. Mmh. C'est un peu cliché. Voilà. Mais pourquoi pas. Donc je passe aux sorties DVD X du mois et. Vas-y, on t'écoute. Hein, voilà. Je suis pas allé jusque là. Donc ouvre la fenêtre que je te la mette. Ouais. Ouais, bon, les gars, on va arrêter là-dessus. Hein. Donc hey, vous iriez voir quoi alors? Moi, perso, avec mes enfants, Girl Strip. D'accord. Et toi, moi, Star Wars, forcément. Ouais, Star Wars. Clip 4, à part Mythique, tu irais voir quoi? Le Mythique, c'est pour que c'est sorti en film, ça? Et non, le Star Wars, il n'y a pas. Allez, sans grande conviction, mais je préférerais aller voir Star Wars, oui. Ok. Bon, moi, j'irai rien voir du tout. C'est une Girl Strip avec mes enfants. J'irai voir Star Wars. Bon, en tout cas, tu as relevé le défi. Ouais, je t'ai surpris, non ? Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Enfin, mais, ça fait version un peu guignol, mais. mais pourquoi pas ? C'est notre génération. On a dépassé de 5 minutes notre horaire, donc il va falloir que nous quittions là-dessus, évidemment. Oui. Le temps de remercier Arnaud d'avoir relevé beaucoup. Le défi et de l'avoir bien fait. De remercier aussi Flip 4 de nous avoir fait ce bel hommage à Johnny. Court mais bon. Ce fut court, mais c'était bon. Malgré tout, trois quarts d'heure, ce que je disais. Sur que là, qu'en moyenne, je prends 20 minutes. Ouais. Hein, ça m'a toujours été difficile de faire. Non, mais là, pour le coup, on ne pouvait pas faire moins. Il y avait matière, quoi. Ouais, y avait matière, c'est bien la preuve que si on voulait, c'est impossible, quoi. Bon. Merci à toi, Sherlock. Mais je t'en prie. Pour le rétro ciné 4-1. Et puis, la semaine prochaine, on te retrouve pour les sorties cinoches quand même. Hein. Ouais. Hein, quand même. On va se quitter là-dessus. Ouais. Sur, je sais pas, un titre. Ah, j'ai choisi un petit titre. Ah, vas-y. Ouais. Je crains le pire, là. Non. Non. Non, non, c'est du très sérieux. Alors, est-ce que c'était années 80, par contre? Ah, c'est quoi si, je pense. C'est Le coup de soleil de Richard Cochiante. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce titre? C'est vrai que t'as choisi ça. Non, c'est pas moi. Mais c'est une petite dédicace. Un breton qui choisit le coup de soleil quand même. Ah, c'est une dédicace pour qui? Attika. Attika. Ouais. Attika. Aïe. Attika. Bon. Donc on va se quitter donc avec le coup de soleil de Richard Cochiante. Allez, donc on se retrouve la semaine prochaine même et on sera avec Romain. Donc on sera avec Romain, donc hypnothérapeute qui nous viendra nous parler donc de son dernier bouquin qui nous parle d'hypnose bien évidemment, et puis on aura certainement l'occasion d'avoir quelques expériences en direct live de RQC. Okay. On aura Flip 4 qui nous chantera du Forban. Dès qu'on dira wap, sérieux, Lichan. Mais j'adorerais, je te jure, j'adorerais qu'il arrive à t'hypnotiser. Ouais. Et que il te fasse chanter du Forban. Ouais. À la basse. Alors, il faudrait qu'il puisse, hein, parce que j'ai déjà tenté le coup, je suis plutôt réfractaire, maintenant, je ne dis pas que. Mais ce qui m'étonnerait, c'est pour pouvoir chanter les formats, il faudrait que je connaisse les paroles. Mais t'inquiète, je te ferai écouter la chanson en antenne, il n'y a aucun problème. même pas en rêve. On va te l'envoyer. Ah, mais tu ne sais pas. On salue tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même antenne. Allez, ciao. J'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup, je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage, je te vois toute nue,